Depuis 2006, musique, émissions, cadeaux, événements. Avec somme nous, Radio Malherbe Grenoble. RMG, numéro 1 en Rhône-Alpes. RMG. Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue en ce dimanche soir de fin de mois de février pour le nouvel opus de notre émission RMG Gaming, l'émission de gaming de RMG. Et oui, c'est logique, tout va bien, vous êtes bien donc avec nous. Je suis Fanny et je vais bien aussi. Et est-ce que Loïc va bien? Bah écoute, ça va Fanny et toi? Bah oui, je viens de le dire, t'écoutes pas, tout va bien. Mais je préfère redemander dans le doute, on sait jamais. Donc tu me le redemanderas plusieurs fois dans et ça l'émission, va, Fanny, c'est fait, ça quoi? Un, deux. Ça va toujours bien, et toi, Maxence? Bah écoute, ça va, et toi, ça va? Oui, ça va, bah, ça super, va toujours. Alors. J'aurais dû vous faire un petit contraste, dire non à Loïc ou non à toi, comme ça vous auriez été un petit peu déboussolé. Bon, on écrira notre dialogue la prochaine fois. Ouais, d'accord, ok. La prochaine fois, on se fait un one-man show. Un scénario okay. Béton. Un three-man show. C'est tombé. Si, si, ça s'appelle le Truman Show. D'accord. Non, c'était une blague. D'accord, ok. Truman Show va faire un trou surtout. Mais après... un bide plutôt. Et nous sommes aussi en compagnie de notre réel bien-aimé, le Nikos des familles. Comment vas-tu? Oui, il va bien, il va bien. Il va bien, il a eu une longue journée. Très longue. Très longue. C'est pas fini, hein, il reste 2 heures. Hein. Ne nous déprime pas comme ça d'entrée. Là, il ne sait pas ce qui l'attend, il est encore joyeux, tout va bien. Alors du coup, on se retrouve pour cette émission de février avec, comme d'habitude, toutes nos rubriques. Et même, on s'est fait un petit bonus cette fois-ci, on s'est fait 2 dossiers. Donc, que vous verrez tout à l'heure, nous aurons aussi les agendas avec les jeux à sortir ce mois-ci. Ce sera Loïc qui nous en parlera. Avec ma sélection de 3 jeux qui, je pense, vont être les jeux majeurs de mars. Pardon ? Les jeux majeurs de mars, oui, oui, oui, oui. Avant tout ça, on aura le top and flop avec un petit peu ce qui nous a plu, ce qui nous a moins plu au cours de ce mois et ce qui nous, les annonces qu'on a eues qui nous ont pas plu ou qui nous ont grandement enthousiasmés. Voilà, donc notre deuxième petit dossier bonus dont on vous en dira un peu plus tout à l'heure, c'est un petit peu le mystère, si vous voyez ce que je veux dire. Notre premier dossier, et celui-ci on l'a travaillé les enfants, oh oui on l'a travaillé au corps, on a fait un dossier sur la triche. Est-ce que vous êtes des petits tricheurs? Est-ce que nos auditeurs sont des petits tricheurs? Est-ce que nous sommes des petits tricheurs? Eh bien c'est ce qu'on va voir tout à l'heure et on répondra enfin à la question, est-ce que la triche c'est bien? Ou est-ce que la triche, c'est mal? Oui, oui, oui, je mets tout de suite le niveau bien, bien haut. Et on va aussi parler du « Et toi, à quoi tu joues ?» On va se demander un petit peu ce qui occupe nos consoles en ce moment, nos PC peut-être aussi. Et tout de suite, on va passer au pick-up avec des anecdotes, des sujets. Juste un petit truc quand même, oui. Pour rappel, www.rmg38.net, bien entendu, pour envoyer vos dédicaces directement chez nous, pour nous écouter également. L'application iPhone. Tout oui, ça, etc. C'est ça. Hein, faut pas les oublier, bien entendu. Et Maxence, c'est... alors, vous ne ferez pas un petit point un petit point quoi? Moyen de communication. Moyen de communication. Oui. Par rapport au site internet. Oui, ouais. Donc envoyez des dédicaces sur www.rmg38.net. Ouais. Vous pouvez ensuite nous joindre par Twitter @rmg. C'est RMG ou c'est RMG38? RMG38. Bien sûr, devait y avoir déjà un RMG alors que nous sommes les premiers RMG de France. Nous l'aurons. Et vous pouvez aussi nous joindre sur Facebook. Nous avons une page Facebook qui est @rmggamingofficiel. Faites attention parce qu'il y a beaucoup de contrebande, beaucoup de faux RMG Gaming. Mais nous, nous sommes les vrais. Nous sommes les officiels. Et aussi, vous avez RMG 38 officiel, page officielle du groupe. Et aussi, les applications iPhone et Android, appli TuneIn. Voilà, cette fois, je ne me suis pas planté. C'est bien. Tu vas peut-être être augmenté. Ah, c'est gentil, je vais passer de 0 à 0. Pas bien, on va le multiplier par 100, ton salaire. Ah, merci beaucoup. Alors du coup, le pick-up, on va se lancer tout de suite. Alors qui commence? Bah si vous voulez, allez, je commence. Hein. Je vais, comme à mon habitude, je vais vous parler de Mass Effect. Forcément, la sortie approche à grands pas et on en a déjà parlé lors de l'émission précédente. Mass Effect Andromeda, l'opus de BioWare, va bientôt sortir le 23. J'ai été un 23 décembre, mais non. Ce sera un peu notre 23 décembre à nous. C'est vrai. Le 23 mars. Et contrairement à ce qu'on avait dit la dernière fois, le jeu va sortir 5 jours en avance. Et il va pas faire office de bêta test pour ceux qui bénéficient de cette offre-là avec l'Electronic Arts Access. Le jeu sera patché à ce moment-là. Du coup, le patch day one, etc., bah, ça sera patch day one moins 5. Hein. Forcément, on joue un peu sur les mots. Et je voulais continuer sur Mass Effect pour communiquer la configuration PC. Qui a été mise en ligne il y a pas très longtemps. La configuration minimum pour le faire tourner, il faudra Windows 7 forcément, ou 8.1 ou Windows 10 64 bits. En même temps, qui est encore sur les anciens systèmes d'exploitation. Mais tu rigoles, mais il y en a. Il y en a. Une petite pensée à eux. Oui, mais là, du coup, ils ne pourront pas le faire tourner du tout. Il faudra forcément un i5 pour le faire tourner, un équivalent à AMD, mais je ne connais pas. 8 Go de RAM, le minimum syndical. Une GTX 662 Go et une AMD Radeon 7850. Ce sont des cartes graphiques qu'on peut trouver dans l'ordre de 90€ maintenant. C'est vraiment de l'entrée de gamme. Mais ça, c'est vraiment pour faire tourner le jeu au minimum possible pour qu'il se lance. La configuration recommandée par l'éditeur pour faire tourner le jeu. Par contre, là, on est sur un peu plus costaud. Il recommande un i7 4790. Du coup, on tape dans un truc assez cher. Un petit peu plus. 16 gigas de RAM. Là, on est carrément sur le double de ce qui se passe, de la moyenne de ce qui se fait en ce moment par rapport aux jeux PC où on demande en général 8 gigas. Là, c'est quand même 16. Énorme. Faut les avoir quand même. Faut les sortir et je pense que pour on peut en trouver à des prix quand même assez variables, mais c'est entre 80 et 130€ les 16 gigas de RAM quand même. Et il demande une GTX 1060, 3 gigas. Du coup, c'est les cartes graphiques de moyenne gamme, entrée de gamme, c'est plutôt accessible. Ça coûte environ 200€. Du coup, c'est un petit investissement, mais c'est pas ce qui se fait de plus cher. C'est assez accessible en termes de cartes graphiques. Il faut quand même déjà un petit PC gamer. Il faut un petit PC gamer, mais je tiens à mon avis à rassurer quand même ceux qui ont la génération précédente, parce que ça c'est la 1060, c'est la génération des 1000, c'est la dernière qui est sortie. Ceux qui ont des 900, etc., je pense qu'à partir de la 960, vous pourrez quand même faire tourner le jeu. Faut pas déconner, je pense qu'il y a quand même un aspect marketing assez important de part et d'autre, Nvidia et de AMD qui font leur beurre là-dessus. Du coup, changez pas votre carte graphique tous les ans, ça sert à rien. Mais des fois, ils en abusent aussi pour les brider un petit peu. Faut pas déconner. Voilà, je voulais communiquer là-dessus parce que c'est une grosse sortie du mois de mars. Et pas que pour nous, pour le monde du jeu vidéo en général. Que nous, on traite plus de ce qui nous plaît en général. Mais c'est quand même Mass Effect, c'est quand même une grosse licence. C'est une très grosse licence. Et je voulais aussi finir sur le fait que le jeu fera quand même 60 gigas sur console et 55 sur PC. Du coup, prévoyez votre espace disque dur sur vos PS4 à 500 gigas parce que ça fera un peu juste. Ça va faire mal, je pense. Voilà. C'est énorme. Et voilà, j'ai fini pour Mass Effect. Est-ce qu'on peut dire que ça laisse présager quelque chose de bon? On ne peut absolument pas spéculer sur ça, sinon Crysis 3, ce serait un jeu fabuleux. c'est pas le cas. Le petit tac à Crysis 3. Après, des previews que j'ai pu voir sur Internet, c'est plutôt rassurant sur le jeu, mais on délaisse vraiment le côté un petit peu RPG pour passer vraiment sur de l'action pure. On y reviendra lors de la sortie. Là, ça serait spéculé un petit peu. Ouais, d'accord. Et toi, Loïc, de quoi as-tu donc à nous parler? Je ne parle pas du tout français, c'est à toi. Mais j'ai compris ta question. Donc moi, non, je vais parler en fait de l'E3, donc l'Electronic Entertainment Expo. Donc concernant la conférence Microsoft, comme on sait, chaque année, il y a l'E3 à Los Angeles en juin. Chaque constructeur fait ses conférences pour parler de ses nouveautés, de ses prochaines sorties, de ses projets pour l'avenir, etc. Et cette année, en fait, il y a une nouveauté, c'est que en temps normal, c'est Microsoft qui ouvre le bal en fait en début de semaine, le lundi. Donc chez nous, sa conférence est habituellement à 18h heure française. Et cette année, il va carrément changer de jour et de date, puisque ça aura désormais lieu le dimanche 11 juin à 23h heure française. Et il en profitera également en fait pour parler de sa Scorpio. Ouais. Donc, à mon avis, je pense qu'il va vouloir. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que c'est la Scorpio, justement? Alors, c'est pour la. Ceux qui suivent pas. Alors, c'est la prochaine machine de Microsoft, en fait, qui sera amenée à l'avenir à compléter la Xbox One et, je pense, encore plus tard à la remplacer. Mais dans un premier temps, il complétera la Xbox One, au même titre que la PS4 Pro complète la PS4 classique. Et donc du coup, Microsoft en parlera. Et je pense qu'il y a beaucoup à jouer par rapport à ça, vis-à-vis de Sony et sa PS4, qui, il faut avouer, quand même, ont facilement bonne longueur d'avance, on va dire. Donc moi, je pense que Microsoft a beaucoup à jouer là-dessus. Et si ils changent de jour et de date, c'est peut-être pas anodin. On a vu que la position des conférences, justement, leur avait desservi quand ils avaient annoncé la Xbox One, qu'ils avaient été juste avant. Sony, qui passait juste avant Sony à l'E3, justement, et que Sony avait, avec sa PS4, avait tout défoncé un petit peu c'est pas de leur. Je crois que c'est l'inverse. Hein. Je crois que Sony, justement, était toujours présenté avant, si je dis pas de bêtises, parce que Microsoft, ça permettait de changer de fusil d'épaule assez rapidement. Parce que Sony se mouille et Microsoft. Je me rappelle que justement, Sony avait pu gommer. Les problèmes qu'il y avait eu, notamment le live payant, etc., où ils avaient justement, eux, ajusté et annoncé un live gratuit. En fait, c'est ça. Je dois peut-être confondre. C'est que historiquement, Microsoft a toujours ouvert les conférences de l'E3. D'accord. Ça a toujours été le premier constructeur. Ensuite, il y a eu Sony et les éditeurs tiers. Et Nintendo a toujours fini les conférences en dernier. Donc là, du coup, le fait que Microsoft change carrément de jour et d'horaire. À mon avis, je pense qu'il doit se sentir un peu en position de faiblesse par rapport à Sony, et je pense que du coup, le lundi habituellement réservé à Microsoft dans le début des conférences sera peut-être du coup réservé à Sony, qui, je pense, débutera le salon en fait. Ouais. Et du coup, ils ont vraiment un train de retard tant au niveau temporel qu'au niveau des ventes. Finalement, qu'est-ce qui a posé gros problème à Microsoft? C'est déjà son annonce catastrophique à l'E3 2013 quand il a présenté la Xbox One. Ouais. Live payant, console à 500€, Kinect obligatoire. Ils ont bien creusé leur tombe là. Bah, ils se sont tirés une balle dans le pied tout seul en fait, et c'est juste après justement que Sony a annoncé sa PS4 à l'E3 2013, donc juste après, et qui a annoncé en fait tout l'inverse de Microsoft, et on a vu la réaction du public. Sony s'est fait acclamer, Microsoft s'est fait huer de partout quoi, et c'est ce qui a causé un peu, je pense, on va pas dire la mort prématurée de la Xbox One, mais c'est ce qui a causé son gros retard. Et même aujourd'hui, Microsoft a beau se sortir les doigts du pad, il arrive pas à rattraper son retard quoi. C'est une très belle expression, très imagée. Au début, je voulais pas dire pad, mais je me disais ça allait bien. Ah, parce que moi, j'avais déjà l'image en soi. Hein. C'était déjà joué. Hein. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Maxence? Ah non, pas du tout. Non. Alors moi, du coup, je vais parler un petit peu de l'actualité qui m'a fait un petit peu sourire en ce moment. On voit pas mal défiler sur les réseaux sociaux, sur YouTube, etc., des vidéos de personnes qui jouent à Resident Evil. Et je reparlerai Resident Evil dans le top ou flop, justement, Resident Evil 7. Et les réactions sont généralement assez drôles, parce qu'ils y jouent en VR. Ouais. Et j'ai pas pu y jouer en VR, mais je me suis dit que le palpitant, il devait en prendre quand même un sacré coup. Et voilà, je me proposais sur mon temps libre de vous faire passer au moins une vidéo comme ça pour vous montrer un petit de peu. De toi ce en train ça... de jouer en VR là, sur non, Resident Evil j'ai 7, trop d'estime hein. Pour moi-même. J'ai trop d'estime pour moi-même pour le faire. Donc je balance les copains comme ça. Donc voilà. Alors on va passer tout de suite au « Et toi, à quoi tu joues ?» Qu'est-ce que vous jouez en ce moment les enfants? Alors bah moi du coup en ce moment, au risque de perdre ma dignité, j'assume totalement, je joue à Pokémon Go. C'est honteux. Remboursé. Je pensais que c'était un gros gamer et voilà. Voilà, et ce mois-ci, c'est un scandale. Donc je joue à Pokémon Go, mais à la saison 2 en fait. Donc qu'est-ce qu'il y a de plus dans la saison 2 par rapport à la version d'origine? Donc il y a l'ajout de 80 nouveaux Pokémon de la seconde saison. On peut faire des échanges, des duels entre joueurs. Il y a eu un événement spécial, donc je prends l'exemple de la Saint-Valentin, et une news qui m'a pour le moins étonné, c'est que le jeu va sortir en Corée du Sud, et je n'étais même pas au courant qu'il n'était pas disponible là-bas. Et ça du paraît coup, vachement étonnant quand même. Bah, surtout que la Corée, c'est un grand marché au niveau de la technologie, etc. quoi. Bah, c'est surtout que c'est pas non plus la Corée du Nord, quoi. Enfin, je veux dire. Oui, bah, de ce point de vue-là, je pense qu'on peut. Sur tous les sujets. C'est l'Iran aussi, hein. C'est pas la Corée du Nord. Non, mais je veux dire, ils ont quand même une façon de fonctionner plus libre que la Corée du Nord. Donc, ça m'a étonné que le jeu ne sorte que maintenant, en fait, en amont de la saison 2 des Pokémon. Donc voilà. Elle est sortie en saison 2 là-bas ou en saison 1? Alors en fait, en Corée du Sud, ils ont tout balancé en même temps, le jeu et la saison 2 d'emblée en fait. D'accord, et qu'est-ce qu'il y a comme nouveauté sur cette saison 2? Alors donc 80 nouveaux Pokémon, les échanges et les duels entre joueurs. Ouais. Y a eu un événement spécial pour la Saint-Valentin avec des Pokémon spécifiques. Ah, c'était avec des Pokémon spécifiques. Voilà. D'accord. Oh, je te demande. C'est un peu comme le Pikachu de Noël en fait qu'on a eu. Ah, vous avez eu un Pikachu de Noël. Il y avait un Pikachu de Noël aussi pour Noël, donc on peut capturer un super Pikachu. Bah, il était assez rare, ouais. Ouais. Et tu l'as eu? Ouais, je l'ai eu, je suis content, c'est un grand moment de joie. J'ai fait une capture d'écran sur Facebook, je l'ai mis. On la relayera parce que c'est le genre de fierté dont on peut. Dont il faut partager la beauté. Mais totalement. Et j'en profite aussi pour parler d'un autre jeu auquel je joue depuis hier. Ouais. C'est Project Cars sur Xbox One qui est gratuit en ce moment pour les membres Gold. Mm. Donc je m'étais tâté à faire le jeu à l'époque où il était sorti. Mais je sais pas, après je suis passé sur d'autres jeux et puis quand j'ai vu qu'il était gratuit, je suis allez, c'est parti et il est franchement pas mal. Il y a une démo aussi qui est disponible gratuitement sur le PS Store, je crois. Il y a la démo effectivement de Project Cars qui est disponible, mais pour ceux qui possèdent une Xbox One, on peut télécharger le jeu gratuitement en fait, là je crois, jusqu'à la mi-mars ou tout le mois de mars, je sais plus. Et donc du coup, je le conseille, il est sympa. Et du coup, comparé à l'exclusivité de Microsoft par rapport au jeu de bagnole Forza, est-ce que tu as pu. Tu sais ce que ça vaut un petit peu comparé à ce jeu-là ou Alors, c'est que j'ai très peu joué à Project Cars encore, mais après, moi, je sais que j'ai toujours aimé les Forza, que ce soit les Forza Motorsports ou la déclinaison, les Horizons. Mm-hmm. Donc, après le Project Cars, pour le moment, j'ai trop peu joué pour me faire un avis, mais ce qui est sympa, c'est qu'il y a beaucoup de véhicules disponibles, aussi bien du karting que des Formule 1, que des voitures des 24 heures du Mans. Enfin, c'est vraiment hyper varié. Donc j'attends d'y jouer plus en fait, c'est pour me faire un avis plus construit. Oula, non, par contre c'est simulation. Oula. Ah, c'est simulation. C'est simulation, oui. D'accord, ok. Parce que j'ai téléchargé justement la démo, ouais. Parce que je m'étais dit un soir en perdition, je testerai, parce que je suis pas du tout jeu d'arcade de base. Et encore moins de simulation de voiture, quoi. J'y connais rien. Déjà, j'ai pas de voiture moi-même. Je vais pas m'amuser à en tuner une autre. Et du coup, oui, je crois que c'est pas fait pour moi. Bon, chacun son public, hein. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais il y a un truc qui saute aux yeux comparé à Forza, ou il y a un truc qui t'a retenu, ou parce que moi, j'ai une Xbox One qui est partie au SAV, alors à peine reçue. C'est triste. Mais les jeux de bagnole, Forza, c'est une licence qui m'attire beaucoup, et du coup, si j'avais à choisir. Bah moi, après, personnellement, je conseillerais quand même Forza, parce que c'est un peu c'est même carrément le Gran Turismo de la Xbox. Donc. En mieux, je suis assez d'accord, je préfère effectivement Forza aussi. Prenez ça les fanboys, bim. Les fanboys Gran Turismo vont crier au scandale. Mais non, effectivement, bah, si vraiment je devrais conseiller un jeu de caisse pour les possesseurs d'Xbox, je conseillerais quand même Forza, la licence Forza, mais Project Cars reste un bon jeu quand même. Mais surtout s'il est gratuit, ça engage à rien pour les membres Gold. Ouais. Bah, c'est ce qui m'a poussé à le télécharger en fait, j'ai vu qu'il était gratuit, j'aime bien les jeux de caisse, donc je me suis dit bah allez. C'était donc à ça que tu jouais avant de venir à l'émission? Alors non, je geekais, mais pas sur ça. Ah, d'accord. Sur Pokémon, t'as rien su. Ah zut, il m'a vendu le salaud. Et toi du coup Maxence, tu joues à quoi? Alors moi j'ai joué à plusieurs, j'ai touché à plusieurs jeux récemment, mais je vais essayer d'être rapide certains jeux. Très récemment j'ai relancé Metal Gear Solid 5, dont je vous parlais tout à l'heure en off, vite fait. Et du coup, je l'ai mis dans ma PS4 pour y rejouer, parce que ça fait un moment que je n'y avais pas touché, j'avais abandonné. Et à peine lancé, à peine je l'ai rééjecté pour le remettre dans sa boîte et le remettre sur mon étagère. Voilà, parce que... Tu t'es souvenu pourquoi il était oui, sur ton étagère non, et plus dans exactement, ta console. Je me suis dit, par nostalgie, je fais Metal Gear, j'adore ça, les productions de Kojima, j'adore ça, c'est une série d'infiltration que j'adore. Mais je suis jamais revenu sur leur jeu, hein, bizarrement, mais c'est assez lourd. Là, je voulais revivre l'expérience Metal Gear Solid 5 et je me suis replongé dans les soucis. Je trouve que ça fait trop MMO un peu vide. La gestion de base, genre jeu PSP, à côté de la quête principale, le manque de scénario, de scénarisation, de ce qui faisait vivre avant la licence. Hein, je veux dire, toutes les 5 minutes, on te coupait pour mettre une cinématique et machin. Moi, je kiffais ça. Et cinématique qui était généralement très belle, très cinématographique. Très longue aussi. Très longue aussi pour des trucs. Mais c'est typiquement japonais. Enfin, c'était génial. Et là, je sais pas, je trouve que ça fait quête FedEx de MMO. Va faire ça. Tu retournes sur la même map. Là, j'ai moins d'une dizaine d'heures et je suis toujours sur cette. J'ai l'impression toujours d'être sur le même désert Afghanistan, là. Afghan, pardon. Non, je trouve ça chiant. Du coup, je l'ai remis dans sa boîte et j'y ai pas rejoué. Voilà. Du coup, j'ai joué à un autre jeu, du coup, pour me consoler. J'ai racheté. Alien Isolation sur PS4, parce que je l'avais déjà sur PC, et comme je suis un peu maso, je vais sur la version inférieure. franchement, c'est un gros kiff. Ce jeu, c'est une adaptation, c'est la meilleure adaptation de licence de film qui puisse exister. Bon, j'exagère peut-être un peu, mais par rapport à la saga Alien... Le matériel de base est vachement bien respecté et l'ambiance... Totalement, je veux dire, vous voyez Alien 1 et Alien 2, vous prenez les deux et... c'est plus vivant que Alien, le film Alien 1 de Ridley Scott. Ça reprend vraiment les bases de scénario des deux films, en fait, mixés entre eux. Et on incarne la fille, du coup, de Ellen Ripley, qui est incarnée par Sigourney Weaver. C'est le même personnage, hein. C'est une copie conforme, ce qu'on pourrait lui reprocher, parce que Alien, c'est un principe assez simple, et l'ambiance est respectée, c'est survival, tu flippes ta race, en fin de compte. T'as un alien qui est là à te poursuivre dans un niveau, à jouer à cache-cache avec toi. Tu n'as rien pour te défendre, tu peux le repousser à la rigueur, le faire fuir, le divertir, etc. Mais par contre, il te voit. Et s'il te court dessus, tu es foutu. Hein, je viens de penser au truc parce que tout à l'heure tu parlais de Resident Evil 7 en mode VR. Ah oui, mais j'imagine bien ce jeu en VR. Mais d'un seul coup, j'imagine, tu es en train de jouer, tes parents te voient traverser tout le salon en te cachant à quatre pattes. Mais sur PC, il y a des gens qui ont modé ça, je crois, pour le casque VR. Mais pour tempérer ça, moi, l'alien, je le trouve plus classe qu'il ne fait peur. Quand je le vois, je suis presque content. Le mec qui a pas du tout compris le mode de jeu, tu vois. Ce qui serait drôle aussi, c'est qu'il essaye d'échapper à l'alien, donc il court, puis il enlève son casque, puis il voit sa mère juste derrière lui. C'est gentil pour ma mère, ça. Tout de suite, ça attaque les mères, on est bien parti, il y a des bons bails. Il est très fortement déconseillé de faire des free hugs à des aliens. Non, bah les, comment ça s'appelle déjà? Les facehuggers, tu vois. Il y a le nom déjà. Du coup, ce jeu, c'est vraiment un jeu que je recommande, je voulais vraiment vite faire en parler. En plus, il est assez similaire au niveau de la sensation de peur d'Amnesia. Amnesia The Dark Descent, je ne sais pas si vous connaissez. Si, tu joues à cache-cache avec des esprits. Voilà, etc. Bah c'est un peu pareil. T'es un peu dans le même mode de huis clos où tu es complètement impuissant, que tu as un truc en face de toi qui est 10 fois plus puissant que toi. Le seul truc, c'est qu'il n'arrive pas à te trouver, quoi. Et tu as juste ça pour te défendre, en fait. Et ce qui est cool, c'est que le jeu, tu vois, le principe est assez simple et il est assez long. Du coup, il est pas très éprouvant, ça va, on peut quand même le faire. Bon, les âmes sensibles, voilà, ils auront du mal, mais il y a pas que l'alien comme menace. Du coup, ça se renouvelle un petit peu, ça se laisse parcourir sur une dizaine d'heures, voire un peu plus, et c'est plutôt cool, sachant que le matériau de base, bah, c'est un alien qui te poursuit, quoi. Voilà, du coup, ça mais c'était. Mais surtout, c'est assez intéressant qu'ils aient choisi de le tourner en version horreur, quoi. T'aurais pu très bien faire juste un shooter. Ah, mais ils en ont fait, mais ils ont tout foiré. Oui, là, c'était le moment de racheter la licence et heureusement, ils l'ont fait. Et c'est Creative Assembly qui l'a développé. Creative Assembly, qui est un développeur qui est essentiellement connu pour Total War. Du coup, un genre de jeu qui n'a absolument rien à voir puisque c'est du STR, du jeu de stratégie. Et ça me permet de faire une petite transition sur le dernier jeu que j'ai pu tester, qui est Halo Wars 2. Que j'ai pu tester avant sa sortie et qui a été du coup développé en collaboration avec 343 Industries et Creative Assembly, du coup, Halo Wars, c'est un jeu de stratégie sur console, adapté pour la console. Du coup, Creative Assembly, on pourrait se dire « Ah, mais c'est les maîtres du STR, ils nous ont fait un super truc !» Et ils ont fait un truc qui n'est pas trop mal. Halo Wars 2, forcément, c'est la suite de Halo Wars, premier du nom. Et Halo Wars, premier du nom, c'était nul. C'était pas terrible. C'était un STR qui se prenait en main. C'est très difficile de mettre en place un STR sur console parce qu'on n'a pas le clavier, on n'a pas la souris, les raccourcis, etc. Ça n'existe pas. Enfin, on a des raccourcis, mais limités à la manette. Ils ont réussi à faire un jeu qui se joue, Mais franchement, un jeu pas très passionnant, qui était pas beau, qui était l'univers Halo, le scénario était comment dire, l'univers Halo n'était que visuel. Et visuellement, il était pas terrible. Du coup, il restait pas grand-chose. Et Halo Wars 2, ils ont réussi à redonner un peu de peps à tout ça, à rendre la maniabilité encore plus agréable à la manette, à faire un jeu tout aussi varié, plus agréable à parcourir. Le scénario, c'est toujours pas ça. Hein, Halo, franchement, c'est pas un scénario. Non. C'est un univers, c'est visuel essentiellement. Ils ont réussi quand même à faire quelque chose de chouette là-dessus. Et on va dire que Creative Assembly a réussi à redorer le blason d'Halo Wars. Ils ont apporté un petit peu de leur expérience. Voilà, ils ont pas pu le transcender le genre parce que c'est compliqué de rendre un STR vraiment passionnant et accessible sur console. Là, c'est accessible, les missions se jouent de façon assez fluide. Par contre, le jeu est très court. Une fois qu'on commence à prendre un petit peu son pied, paf, le jeu il s'arrête. Tu te dis, ouais, ça fait très court, 6h30 de jeu. Ah ouais. Pour une exclue, c'est très très court. Enfin, c'est 6h.str. C'est très très court. Et en plus, ils ont eu le toupet de mettre une boutique intégrée dans le jeu pour un mode en multijoueur qu'on appelle le mode Blitz, où on abat des cartes pour interpeller des unités, appeler des unités. Et bon, il n'y a rien d'obligatoire là-dedans, mais quand tu vois que les trucs, ils les vendent de 3 à 99 euros, tu te dis que le jeu, ils auraient pu faire quand même quelque chose d'un peu plus solide. Et au niveau scénario, je vous disais, c'était pas foufou. Par contre, il y a des cinématiques qui sont mises en avant pour la mise en scène. Les cinématiques d'Halo Wars 1 étaient déjà belles. Celles-là, elles sont sublimes. Ah oui. Magnifique. Blizzard et ces cinématiques-là, ce sont des pépites. Ouais. Tout le budget est passé là-dedans, en fait. Mais le jeu est bon, hein. Le jeu est bon en soi, mais il est court. Mais le truc, c'est que si c'est pour voir des belles cinématiques, autant tu peux les avoir sur YouTube. Exactement. Sans faire la rabat-joie. Hein, mais... non, mais oui, c'est vrai. C'est pas faux. Mais bon, mis bout à bout, le scénario est pas riche. Il est un peu caricatural, etc. Bout à bout, les cinématiques, tu fais... ouais, si vous voulez un scénariste, je suis là, quoi. C'est pas le problème. Tu vois. Nous enregistrons donc ta proposition. Mais le jeu, je l'ai noté quand même 6 sur 10 parce qu'il est très plaisant à parcourir. Il est jouable en coop. Quelque chose que je conseille, c'est de le jouer dans un niveau de difficulté élevé en coopération parce qu'il y a des niveaux qui sont clairement faits pour ça, de défense, où ça arrive de chaque coin de la map, etc. C'est très agréable à la manette. Ah, ça c'est bien pour un STR, c'est, justement. C'est rare, surtout les STR agréables avec une manette. Ah ouais, non mais c'est là. Généralement, c'est la torture. Hein. Franchement, on est très limité. Je parle peut-être un peu trop, mais on est très limité dans l'aspect STR. Hein, c'est console. C'est-à-dire que la base, vous la faites pas où vous voulez. Les emplacements sont prédéfinis. Cette base-là, tout tourne autour de ça. C'est-à-dire que vous la faites évoluer, il y a des emplacements qui sont liés à cette base, 3 ou 4 cases par exemple, et vous faites vos bâtiments là-dessus. Il n'y a rien de personnalisable. Ah, oui. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous faites pas de... C'est pas un Age of Empire où tu mets ta petite maison, ton petit champ à côté, machin, et puis il y a l'ennemi qui arrive et qui trace tout. Tu vois, c'est ta base, elle est là. Non, mais c'est ça. Et voilà, du coup, c'est très limité. L'aspect STR est très limité, je le compare plus à un hack and slash, ouais, où on peut avoir plein d'unités. Voilà, mais c'est mieux que le premier, vraiment. Comparé au premier, c'est agréable. C'est déjà pas mal. Mais voilà. Par contre, pour le, tu as dit le mode Blitz est payant, c'est ça ? Le mode Blitz, non, il est pas payant. Blitz. C'est qu'en fait, c'est une option qui est à côté. Tu sais, t'as des packs de cartes que tu gagnes au fur et à mesure que tu fais le jeu. Tu gagnes des unités, des pouvoirs de commandant ou je ne sais quoi encore que tu fais intervenir directement sur le terrain une fois en baston, si tu veux. Et du coup, tu les as, mais si tu es un peu flemmard, tu dis, oh, ça coûte 3 euros. Ouais, je me fais plaisir, je les achète à 99 euros. Attention, 99 euros, c'est 20% de l'entièreté de ça, tout ce qu'il y a. Tu gagnes possible. 20%, voilà. Moi, je trouve ça inadmissible. Quand tu as un jeu d'une durée de vie de 6 heures, tu proposes pas une boutique à côté. Puis d'autant que le mode Blitz était disponible en bêta en plus. C'est vrai ? Gratuitement en bêta, le mode Blitz de Halo Wars 2. Ah ouais ? Et il n'est plus disponible. Non, c'était juste avant la sortie du jeu, mais il était. Mais c'est gratuit, hein. Je répète, c'est gratuit. C'est vraiment l'achat qui est vraiment. C'est optionnel, mais je tique par la présence de cette boutique. C'est le problème du pay to win aussi, c'est qu'au final, après, les gens sont découragés d'aller sur ce genre de mode parce que tu vas avoir les 26 Coréens, les 26 000 Coréens qui ont tous acheté leur truc. Il y a aussi un peu de ça. Mais bon, sur le marché de Microsoft, à mon avis, les Coréens, ils sont pas trop. Je crois pas que ça soit le public visé. Tu vois. J'allais dire la même chose. Les Asiatiques et la Xbox. Ouais, mais tu sais, les Coréens, c'est toujours de leur faute. Mais du coup, Halo Wars 2 est disponible sur Windows aussi. Du coup, comme ils veulent pas trop se planter non plus, ils essayent quand même de rentabiliser la chose en le sortant sur un peu plus que la Xbox 360 à l'époque. D'accord. Voilà. Alors moi, je vais peut-être parler un petit peu de ce à quoi je joue en ce moment. Je vais faire assez vite parce que je pense que ça va être une surprise pour... Parce que j'ai occupé vachement de temps. Parce que t'es un enfoiré, voilà pourquoi. Non. À quoi joues-tu, Fanny? Dis-nous tout. Ton enthousiasme, ça me fait plaisir. Je suis sûr que tu voulais qu'on pose la question. Donc, oui, oui. Alors oui, en ce moment, je joue, ça va pas en surprendre beaucoup, mais je pense... On en a parlé un petit peu sur notre page, beaucoup sur notre page. En ce moment, on fait gagner le jeu Oxygen Not Include, que j'ai eu la chance de tester en avant-première comme mes collaborateurs ici, mais qui ne l'ont pas fait. Non. Voilà. Alors moi j'ai voulu y jouer, mais j'ai pas réussi à l'installer. J'ai eu un bug sur mon ordi. Ouais, c'est de la faute de ton ordi et pas du jeu. Voilà, mon ordi m'a trollé. Voilà. Alors c'est un petit jeu de Clay Interactive qui est donc Pardon ? Non, rien. Clay Entertainment. Ouais, c'est pareil. Non, d'accord, ok. J'affectionne beaucoup ce studio, madame. Ouais, ah ouais. Super studio. Mais t'as pas joué à leur dernier jeu, non, voilà. Je t'en rends partout. Un point partout. Ça suffit, les enfants. Hein. Oui, c'est vrai. Alors oui, vas-y, explique. Oui, maman. Du coup, oui, alors c'est un petit jeu de gestion en temps réel aussi. Donc, on va incarner quatre petits explorateurs. De l'espace. On n'a pas beaucoup de background pour l'instant. Est-ce que ça va être implémenté plus tard? Je ne pense pas, parce que de toute façon, Clay Interactive Entertainment. Avec l'accent, c'est magnifiquement dit. Oui, je sais. Et eux, ils n'ont pas trop l'habitude de faire énormément de background, par exemple, sur leur jeu précédent qui était Don't Starve, par exemple. On n'en savait rien, on était juste lâchés comme ça sur un monde hostile. Là, c'est un peu la même, on est lâchés sur un astéroïde, en plein milieu de l'astéroïde, donc c'est-à-dire sous terre, où on va avoir des poches d'air, donc d'O2, des poches où il n'y a absolument rien, pas d'air, donc rien de viable, et des poches avec de l'air toxique. Et notre but, ça va être de rendre la colonie viable, donc c'est-à-dire avec de l'air, de l'O2 qui se régénère perpétuellement. Et moi, j'y suis allée avec les petits graphismes mignons. Je me suis dit, ah, mais easy, ouais, je suis une habituée des jeux de gestion, pas de problème. Non. Non, c'est Clay Entertainment. Mais oui, c'est vrai. Ils compensent généralement le côté mignon par une difficulté bien dosée. C'est des petits vicelards. Ouais, c'est des petits vicelards. Ouais. Mais j'ai trouvé Don't Starve beaucoup plus dur que ce jeu, par contre. D'accord, ok. Don't Starve, personnellement, j'ai jamais passé la 10e journée. Là, j'en étais fassée à 20e journée quand je me suis rendu compte que ma colonie n'était pas du tout viable et que, on va dire que les toilettes ont mené. Ouais, non, elles allaient bien, mais par contre, les gaz qu'elles rejetaient, je peux te dire qu'elles ont tué ma colonie. Et c'est assez dur parce que justement, ça va assez doucement, c'est-à-dire que on nous apprend les choses petit à petit, on nous apprend comment jouer petit à petit. Donc au début, on se dit c'est facile, je prends mon temps. Et puis au fur et à mesure, en fait, toutes les 1200 secondes ou quelque chose comme ça, on a un nouvel explorateur qui vient dans notre colonie. Et du coup, il va falloir le gérer. Donc ça va nous apporter plus de main-d'œuvre, certes, mais il va falloir un lit de plus, plus d'oxygène, des toilettes en plus de tables, plus de ci, plus de là. Et là, le fait que c'est régulier et que ça arrive à chaque fois, en fait, c'est hyper, hyper, hyper stressant. À chaque fois, je regardais les gens qui arrivaient, j'étais non, ne viens pas, c'est pas encore prêt. Et du coup, non, j'ai passé une bonne vingtaine d'heures de jeu là-dessus depuis que je l'ai. Ah, quand même. Donc oui, ça fait à peu près une semaine. Donc, sachant que j'ai pas mal de travail à côté, hein, je suis désolée à tous ceux qui m'emploient. Mais il faut jouer quand même. Voilà, exactement. Donc arrêtez de lui donner du travail, sinon on ne peut plus jouer. Quoi. Voilà, non mais qu'est-ce que je fais moi après? Donc voilà. Est-ce que vous pensez que vous allez jouer à ce jeu plus tard? Pourquoi pas, après, si j'ai l'occasion de pouvoir le tester, oui. Mais tu as l'occasion. Bah, si mon ordinateur certes. Peut le permet, pourquoi pas. Bah, moi, fatalement, je pense que je vais y traîner la patte parce que Clay, c'est vraiment un studio que... Enfin, j'adore leur production. Ils ont fait un de mes jeux d'infiltration préférés, Mark of Ninja. Oui, dire, qui est... Leurs jeux sont cool. Ouais. Ils ont des défauts, comme tous les jeux, mais ils sont cool. Ouais. Et un jeu de gestion, de survie, etc. Bon, on en a déjà eu, je sais pas combien, mais... Rimworld, etc. Exactement. Tous les XCOM aussi, qui sont des jeux un peu plus à ouais, grande ça... échelle, mais qui ont un petit côté commun aussi. Tout ça. Mais du coup, ouais, ce studio, forcément par son nom, va me pousser à m'intéresser un peu à ce titre-là. Du coup, on le fait gagner aujourd'hui. Et oui, semble. C'est ouais. Bien ça. On a lancé un concours il y a quelques jours sur notre page Facebook avec un petit sondage à l'appui, et non pas à la pluie, dont nous allons vous communiquer les résultats bientôt, après une petite chanson tout à l'heure. Et donc, on vous communiquera aussi le nom du gagnant. Et notre sondage était sur « Êtes-vous de méchants petits tricheurs ? Montrez-moi vos doigts, que je leur tape dessus. » Oh, les vilains. J'aurais dû faire ça avec une voix peut-être un peu plus sensuelle. Ça aurait peut-être ramené des gens. Je pense un petit côté érotique dans ta façon de communiquer le message. Ça aurait pu effectivement... ça veut dire que je ne l'ai pas de base. D'accord ? Je vois tout de suite la bonne ambiance. Bah, c'était sec, quoi. C'était, ça manquait de... C'était sec. Ok. Je suis sèche. Ouais, à la pluie, sèche. Il faut être sèche. C'est bon. C'est excitant. Oui, mais après, ça devient de... Non, c'est trop oui, sec. Oui, bon, d'accord. Ouais, ouais, très bien. Ouais. Bref. Et du coup, on va peut-être se faire une petite pause musique, le temps qu'on se fasse deux ou trois saloperies. On va se passer tout de suite la chanson... est-ce que la chanson de... Le temps qu'on choisisse la non, chanson. Non, c'est True Survivor. La playlist est longue. Hein. C'est Maxence qui nous l'a soumis. Qui vient d'un super film sur internet, voilà, de Kung Fu Fury. Ça dure une demi-heure, allez le voir, c'est du grand n'importe quoi. C'est si vous aimez David Hasselhoff surtout. Ouais. Mais, tout le monde aime. Du coup, vous ne le verrez pas dans le film, mais David Hasselhoff a fait la BO pour la communication du film, c'est génial. Et là, on se dit what the fuck. C'est et génial. Il faut absolument qu'on écoute ça tout de suite. Et je vous propose de le faire. À tout à l'heure. Hey, got a permit for those guns? I've got your permit right here. Permit denied. Thank you. RMG. Plus qu'une radio, une aventure. La première web radio de la région. RMG, c'est au quotidien sur rmg38.net. rmg38.net. Application smartphone et box internet. Et rebonsoir à tous, rebonsoir à toutes, parce que je sais maintenant qu'il y a des filles qui nous écoutent. Déjà, est-ce que des gens nous écoutent? Il y a au moins une fille parmi celles-ci, j'en suis sûre. Alors donc, nous sommes toujours sur RMG Gaming, l'émission qui parle à ton petit côté gamer. Je suis toujours Fanny et je suis toujours en compagnie de Loïc. Et je suis toujours Loïc. Bonjour, toujours Loïc. Ça va toujours Fanny? Oui, et qui as-tu à côté de toi? Eh ben, j'ai toujours Max. Ah bah oui, je suis toujours moi. Salut Max. Et nous avons toujours en réel le petit Nikos. Hein. Toujours. De qui c'est l'anniversaire? Joyeux anniversaire, Nikos. Clap, clap, clap, clap. Voilà. Tant pis, c'est fait. Voilà. C'est fait. Voilà. Merci Fanny. J'ai l'air d'anniversaire. Alors, donc, nous allons passer à notre petit dossier sur la triche dans les jeux vidéo. Mais d'abord, j'aimerais que Max nous rappelle les moyens de communication, parce que je sais qu'il adore oui, ça. Oui, alors vous pouvez nous suivre sur Facebook, Radio Malherbe Grenoble, RMG officiel, sur Twitter aussi, avec le petit oiseau bleu, j'aime bien dire ça, sur @MG38, je ne sais pas trop comment on fait, je ne connais pas Twitter, hein, je suis pas... Ah mais t'aimes bien le petit oiseau bleu, ouais, mais bien... tu n'es pas sûr. Bah, j'aime bien de loin, quoi, mais c'est d'accord, tout. Okay. Vous pouvez nous suivre aussi avec les applis sur iPhone et Android, l'appli TuneIn. Voilà, et du coup, vous pouvez aussi nous envoyer vos dédicaces sur le standard de RMG, je suppose. Sur le site de RMG, site de directement, RMG. www.rmg38.net. Et vous pouvez aussi adhérer à notre page Facebook RMG Gaming, sur laquelle on met pas mal de conneries. On met aussi des articles intéressants et légèrement orientés, puisque c'est les nôtres. Donc, voilà, on fait notre petite promo, donc c'est cool. Viendez avec nous. Tout de suite, donc, on va passer à notre dossier « La triche dans les jeux vidéo » avec un intitulé dont je suis très fière. Je suis très mauvaise en jeu de mots, donc vous allez pouvoir le constater. Donc, « La triche », passage obligatoire dans un jeu vidéo. Voilà, passage, passage, passage. Voilà. Ouais, merci. On sent que t'as bossé dur là-dessus quand même. Hein. Voilà. Ouais, ben, clap, écoute, clap. J'ai passé 2 heures, donc merci de respecter un peu mon talent inutile, d'accord? Mes talents quand même. Mes talents quand même. Alors, qui veut commencer? Bon, écoute, pourquoi pas, moi. Vas-y, donne-nous ton avis et après on reviendra un petit peu sur le sondage. Alors, mon avis. À mon avis, tout le monde est un peu tricheur. Oui. Ah, ça, je pense que le sondage nous donnera quand même à peu près raison. Le sondage qu'on a mis en ligne il n'y a pas très longtemps. Oui, mais on a quand même 18,5% de menteurs qui nous dit tricher dans un jeu vidéo. Moi, jamais. Par contre, les 81% restants ont dit oui, oui, oui, oui, oui, oui. Alors, avec ce chiffre-là, on peut quand même constater qu'il y a quand même pas mal de monde qui n'ont pas respecté totalement les règles du jeu, ça peut être, on l'a exprimé de différentes manières, la triche dans le jeu. On peut avoir, comment dire, rentré un code qui a été entre guillemets autorisé par le développeur, hein. Du coup, est-ce que c'est vraiment de la triche? Oui, parce qu'on fait un écart quand même. Oui. Il y a rentré un code, il y a, comment dire, suivre des guides vidéo, des guides officiels, suivre des astuces, etc. Il y a quoi encore? Il y a totalement changé le cœur même du jeu par le code informatique. Les modes, oui, c'est aussi. D'ailleurs, on a un expert autour de cette table qui nous en parlera. Grand tricheur. Si vous voulez, qu'il nous en parlera juste après. On voit pas de quoi vous parler. Arrête de te cacher maintenant, assume. Du coup, avec 80% des auditeurs qui disent avoir triché, à mon avis, on peut quand même le confirmer. C'est difficile de faire un jeu, pour différentes motivations, terminer à 100% ou alors se faire plaisir selon le style du jeu, que ça soit par exemple des jeux de gestion, etc. C'est souvent assez dur de se mettre tout le temps dans un certain rythme qui est toujours un petit peu exigeant. Du coup, c'est toujours bon, toujours tentant, entre guillemets, de rentrer un petit mot de passe pour, acquérir des ressources plus rapidement, que, Par exemple, en prenant Mother Lord dans les Sims, hein, qui ne l'a Mother, jamais fait. Le code ultime des Sims. Voilà. Du coup, à titre personnel, c'est vrai que je suis très friand de terminer les jeux à 100%. Chose que je n'arrive en général pas à faire, mais tout ce qui est liste de trophées qui pousse en fait le joueur à toujours, qui est assez récent, qui date de Xbox 360, les achievements, les ouais. succès, les trophées. C'est ce qui a inspiré Sony par la suite d'ailleurs à faire les trophées. À mettre les Ils trophées. Sont inspirés de Microsoft coup, et des succès. C'est la génération d'avant où c'est venu un peu naturellement en fin de compte maintenant. Ça pousse, comment dire, implicitement le joueur à fouiller son jeu dans tous les sens, à faire tous les objectifs que les développeurs l'imposent pour qu'il ait un 100% écrit sur son jeu. Et du coup, il y en a qui sont vraiment tirés par les cheveux, des trophées, des succès, des objectifs qui sont totalement abominables. Hein. Il y en a même certains qui supposent justement l'utilisation de codes de triche. Je sais que dans GTA V, il y en a un qui est comme ça... Oui. Je ne sais plus lequel c'est, mais il y en a un dans GTA V, il y en a un qui a un trophée qu'on débloque quand on fait un cheat. Bah ça, c'est un hommage à leur propre jeu, en fin de compte. Tu vois, c'est un glitch incroyable, ça. Même si les développeurs nous incitent à tricher sur leur propre jeu, que ce soit un clin d'œil, on fait le taf. Du coup, vous êtes des tricheurs, les joueurs. Hein. Faut pas se mentir. Et le seul exemple, enfin, j'ai plusieurs exemples, mais à titre personnel, il y a par exemple le dernier Batman. Vous voyez Batman Arkham Knight. Non. C'est Arkham Knight, le dernier opus de Rocksteady sur la licence. On a un open world qui est assez vaste à son échelle. Il y a par exemple des trophées, des énigmes, les célèbres énigmes de l'homme mystère. L'homme mystère. J'allais dire le Joker, mais... Non, l'homme mystère. C'est presque Joker. Pareil. Bah, Joker, alors. Et du coup, il y a plein... Le challenge, en fait, c'est déjà de repérer où sont ces énigmes sur toute une ville. Sur toute une ville, il y a au-dessus des immeubles, mais il y a dans les immeubles, certains immeubles, il y a dans les missions. Bref, il y en a partout. Sans guide, comment tu veux pas les trouver? C'est super dur. Parce qu'il y a les trouver. Et après, il y a les résoudre. Parce que déjà, t'es tout content de les trouver, mais voilà. En plus, après, il faut les résoudre. Non, et il y en a plus d'une centaine, et je rigole pas. Et sur tout un jeu. Non, tu fais là, vous abusez. Je ne peux pas faire le 100% sans un foutu guide. Mais je crois que sur le Arkham Asylum, oui. il y en avait beaucoup moins. Il y en avait une vingtaine, si ma mémoire est bonne. Bah, déjà, ça s'explique par le fait que le monde était fermé. Du coup, il y en avait forcément un peu moins. Ils étaient obligés de les cacher un peu plus intelligemment. Alors sur Arkham Knight, c'était un monde ouvert. Du coup, mais il y avait des traîtresses, hein. Il y en avait qui étaient cachées derrière des murs à faire exploser, que si tu regardes pas exactement le mur à exploser avec ta vue super de l'araignée de Superman, la chauve-souris, en fait. Voilà. De l'araignée chauve-souris. Oui. On tient quelque chose. Il y avait l'animal, voilà. Et du coup, si tu le regardais pas avec cette vision. Avec cette vision précise, tu n'arrivais pas à voir qu'il y avait une petite fissure dans le mur en hauteur, là où tu penses que tu ne peux pas aller. Et à l'intérieur de cette fissure, tu avais une énigme. Enfin, c'était pour vous. Mais ça, c'est les énigmes un petit peu... comment dire? Je vais être un petit peu... C'est les énigmes putes, ça, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait... Oui, excusez-moi. Il est presque 21h, les enfants sont couchés. On s'excuse auprès du jeune public. Et du coup, ça, c'est... Comment dire? Ils dispersent, en fait. C'est de la fausse difficulté, entre guillemets, tu vois. Mm-hmm. Du coup, là, le guide, t'es obligé. Mais il y a un autre type de jeu qui, selon moi, pousse à faire des guides. Vous allez faire... Oh, je vais vous le dire. C'est Dark Souls. Oh. Ah oui. Il y a des trucs, franchement. C'est un jeu créé par des Japonais qui sont complètement niqués de la tête. Hein. Oui. Il y a des trucs, si on te le dit pas, tu sauras jamais. C'est un monde fantastique, Dark Souls, où t'as des trucs qui sont. La narration, elle est pas présente. Elle est assez cryptique. Hein. Elle est voilà. assez. Faut le vouloir, quoi. Faut s'intéresser. C'est des décors qui parlent, des bouts de dialogue qui font avancer, comment dire, le background, etc. C'est pas de la mise en scène à la Call of Duty, etc. Et du coup, il y a des choses. Ça ne s'explique pas tout de suite. Mais même après, je pense que ça ne s'explique pas. En fait, c'est des trucs qui prennent leur sens une fois que tu les as, que tu as tous les éléments, que tu les mets bout à bout. Par exemple, je prends un exemple tout con, dans Dark Souls, après avoir fait la première zone, il y a une sorte de corbeau géant qui va t'amener à un endroit pour commencer le jeu, on va dire. Ce corbeau, il reste près du camp de début de jeu, et il y a un nid. Bon, déjà, t'es pas obligé de savoir qu'il y a un nid. Tu peux complètement le zapper. Mais ce nid-là, si tu y vas, t'as possibilité de t'asseoir dedans, par exemple. Non, mais déjà, faut trouver le chemin. C'est un petit peu camouflé, mais faut s'y intéresser. Faut trouver le chemin. Une fois que tu l'as trouvé, déjà, il faut le savoir. Tu te mets dans le nid. Tu t'assois, tu dis, ok, tu attends. Bon, bah, c'est bien, je suis assis dans un nid, quoi. Tu vois ? Je suis content. Et tu te barres. Et là, tu débloques un trophée ou un succès, tu sais, vous êtes resté une heure dans le nid. Mais tu rigoles, mais c'est plus vicelard que ça. C'est que si tu restes 10 secondes, non, tu te casses, tu vois. Je sais pas. Si j'avais pas suivi un guide pour savoir qu'il fallait au moins rester 30 secondes dans ce foutu nid pour que ce corbeau nous ramène dans la zone de départ pour qu'on puisse redécouvrir quelque chose, et je l'aurais complètement raté. Si j'avais pas suivi un putain de guide. C'est comme dans Dark Souls 3 où tu as un espèce de promontoire avec des statues pétrifiées. Tu passes à côté, tu as une petite ligne de dialogue qui dit un truc du style « Oui, ce soir, enfin, on dirait que le temps s'est arrêté, machin truc. Ouais. » Tu passes et je sais pas, 2-3 zones plus tard, tu apprends un nouvel emote qui est une truc de sorte de salutation au soleil, qu'en sais-je. Oui. Et ce qu'il faut se dire, c'est qu'il faut que tu retournes dans cette zone, que tu te mettes sur le promontoire là où il y a toutes les statues pétrifiées. Donc déjà, faut que tu te dises, ça va pas me pétrifier quoi. Déjà, faut que t'aies le courage de le faire. Et là, pareil, t'attends 30 secondes et t'as je crois pas que ce soit un aigle, mais c'est kiff kiff la même chose, qui te prend et qui t'emmène dans un autre endroit, mais qui est un niveau totalement optionnel. Ouais, je vois ce que. Ouais, totalement optionnel du jeu, qui a été ajouté, donc qui fait partie du contenu du jeu, mais que t'es pas du tout obligé de faire. Mais ça, tu vois, à la rigueur, tu le sais, ça je l'ai pas vu avec un guide, cet événement-là, je vois de quoi tu parles, ouais. Et c'est justement parce que j'étais initié dans le premier, et quand j'ai vu un truc, j'ai commencé à voir les mécaniques, etc. Je vais m'asseoir, je vais pas toucher à la manette pendant 2 minutes, je vais voir ce qui se passe. Je vais aller aux toilettes. Non, mais voilà. Je m'en pose caca, puis... Il se passe un truc. Et pour la petite anecdote aussi, c'est typiquement le genre de jeu où tu tombes sur des ennemis, voilà, ils ont une gueule qu'ils ont d'habitude. Et là, tu tombes sur un ennemi, mais celui-là, il ne fallait pas le toucher. Parce que sinon, tu ne peux pas prêter serment. Il a la même gueule que tous les autres, mais celui-là, il ne fallait pas. Tu vois. Et c'est typiquement le genre de truc qui, sans guide, ne peut pas être... complété à 100%. Et même, est-ce que l'expérience de jeu est vraiment la même quoi. Parce que je sais que si tu n'es pas initié au truc, justement au petit truc de Dark Souls, donc, c'est-à-dire... les prières à la con, les serments et tout, bah, tu passes à côté d'une dimension, mais vraiment, tu passes à côté du background de l'histoire. Tu passes à côté d'un jeu, tout voilà, simplement. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. C'est que tu as fait le jeu et après tu dis, c'était dur, oui, mais j'ai pas trop aimé. Clairement. Et sinon, vous, est-ce que vous avez des expériences de tricheurs ? Personnellement, moi, j'ai jamais vraiment triché dans les jeux, sauf quand je jouais avec ma sœur. On devait s'entraîner toutes les deux dans la malhonnêteté. Et en fait, ce qu'on faisait, nous, on avait... déjà sur les Sims, on se faisait des baraques de malades, voilà. Mais ce qu'on faisait aussi pas mal, c'était sur GTA. On avait un combo spécial sur GTA Vice City et sur GTA 3. On mettait le code « Les piétons sont fous, les piétons sont armés, vous avez un tank ». Et les piétons vous en veulent. Et alors là, ça devenait l'anarchie totale. Et on mettait le chronomètre pour voir laquelle de nous tenait le plus longtemps. Et on tenait généralement pas plus de... même pas 5 minutes, quoi. Il y a le code du tank qui vole aussi. Tu peux faire voler les voitures et tu fais ça avec le tank. Tu tires avec le missile et ça fait envoler le tank en fait en l'air. Du coup, t'as les piétons qui essayent de t'avoir à distance. L'amphibie. Que tu pouvais prendre ton tank et le mettre sur la flotte. Voilà, un tank amphibie, exactement. Voilà. Et ça rajoutait presque un deuxième jeu dans le jeu. Alors que GTA, on était des filles. C'était l'année dernière, quoi. C'était l'année dernière, merde. J'étais jeune à l'époque. Et du coup, non, c'était plus sur les GTA old school. Enfin, old school. Non, les GTA old school, c'est GTA vu de dessus, mais bon, bref, les anciens GTA, type GTA 3, GTA Vice City, San Andreas, etc. Jusqu'à San Andreas, quoi, voilà. Voilà. Et que eux, il y avait quand même une certaine difficulté quand tu arrivais à un certain niveau de quête. Quand on devait battre les boss des cartels, etc., nous, ça devenait trop compliqué, on en avait marre. On n'avait qu'une seule envie, c'était d'avoir des guns, d'avoir un putain de tank et de rouler sur les gens. Et voilà. De leur dire, mais bouffe mon lance-roquette, voilà. Salaud. Et je crois que les plus gros souvenirs de GTA que j'ai, c'est ça, en fait. Donc, tricher. C'est une dimension à part entière du jeu, comme tu disais. Quoi, ouais. Deuxième jeu dans le jeu, quoi. Ouais. Jeuception. Mais après, je sais pas vous, mais GTA sans les codes de triche, c'est plus GTA en fait, je trouve. Personnellement, c'est une incitation à tricher ce jeu. Bah, je trouve que GTA 5 a suffisamment de contenu pour rester dans le contenu du jeu, personnellement. Oui, après, c'est vrai, mais surtout pour les anciens. Par exemple, je vois Vice City, San Andreas ou GTA 3, enfin, les codes de triche étaient tellement la base, je trouve, dans le jeu que tu pouvais pas t'empêcher de les faire, quoi. Et je connais personne qui a réussi à faire un GTA honnêtement. Honnêtement, sans tricher, je veux dire. Ah non. Laissez-moi réfléchir, non. Et du coup, si la triche est carrément incitée dans un jeu vidéo, est-ce que, comme on l'a mis dans le sondage, est-ce que tricher c'est mal alors c'est mal. On a une grosse proportionnalité qui nous dit que non, hein. Ils œuvrent pour leur paroisse, tu sais. Non, ouais. Non, c'est pas mal. C'est une triche opportuniste, on fait voilà, ça pour le bien de la communauté. C'est ça. Oh, tain, un code de triche sur le bureau, dis donc. Je l'avais pas vu. J'ai tapé, moi je savais pas que c'était un code de triche. Je pensais que c'était un numéro de téléphone. C'est ça. Bon, bah ça a marché. Bah j'ai rien pu faire, hein. Le jeu il était comme ça maintenant. Hein. Mais par contre, il y a plein de gens qui nous disent que c'est pas un passage obligé. Par exemple, j'ai 85% des sondés qui nous ont dit. Non, chacun vit son expérience de jeu comme il le veut. Mais alors, par contre, au premier, il y a 80% aussi qui nous a dit qu'il trichait. Donc, ouais, c'est, voilà. Quand c'est tentant, c'est difficile, quoi. Voilà, c'est ça. Ouais. Puis je pense que ça dépend encore une fois du jeu, quoi. Il y a vraiment des jeux qui s'y prêtent. Je prends l'exemple des Sims avec le code Motherlord ou même GTA. Mais après, voilà, tout dépend du jeu. Il y a des jeux, non, clairement, la triche, tu t'en fous. Mais par contre, voilà, les jeux style Sims, SimCity, GTA. Là, c'est un appel à la triche, quoi. Honnêtement. Mais je trouve que du coup, le fait de rajouter des objectifs à 100%, des objectifs comme ça, un petit peu de quête additionnelle, encourage énormément à le fait de suivre des guides. Et je trouve que c'est du coup beaucoup moins immersif parce que t'as la triche et t'as aussi le fait de suivre un guide où au final, t'es plus en pilote automatique où pendant 2 heures, tu vas te dire je vais encore citer nos amis d'Ubisoft. Hein. Big up à vous. Tu les portes dans ton cœur, ça se sent. Mais pendant très longtemps, je les ai portés dans mon cœur. Sauf que maintenant, j'ai l'impression qu'ils ressortent exactement le même jeu avec un monde ouvert. Et surtout, ce qu'ils font, c'est qu'ils adorent mettre. Ce qu'ils adorent, c'est mettre des objectifs secondaires complètement absurdes. Donc tout le monde FedEx, se fout. Ouais. Voilà, c'est ça. Et puis les codes, les quêtes. Va chercher les 150 plumes dans Rome. Mais qu'est-ce que t'en as à branler des plumes? Surtout que à la base, il y a pas Ubisoft qui fait ça. Hein. Oui, non, oui, mais oui, je veux dire, j'ai un exemple. C'était un des premiers, par exemple, je me rappelle avec Brotherhood, où tu devais faire ça. Tu devais justement aller chercher des plumes comme ça, et c'était même pas ancré dans l'histoire du jeu, quoi. Mmh. Et par exemple, pour faire un autre parallèle avec World of Warcraft, qui demande souvent les quêtes reconductibles comme ça. À foison, c'est-à-dire va nous chercher 26 000 Ninroot, c'est vaguement plus justifié, je suis désolée. Pour moi, ça passe mieux. Et je peux même surenchérir sur Final Fantasy XV qui te demande d'attraper des putains de grenouilles rouges. 5 ou 6 grenouilles rouges, t'en as rien à foutre dans l'histoire, quoi. Qu'est-ce que ça fout là-dedans? Du coup, en fait, la triche, elle sert à contrer un petit peu l'effet de rallonge des développeurs qui sert de la durée de vie artificielle. Bien sûr. Moi, c'est comme ça que je le prends en termes généraux. Mais paradoxalement, je crois que t'as un chiffre qui montre que les gens arrivent quand même à se contenter. Leur but, c'est vraiment la quête principale et puis basta, quoi. Oui, alors j'ai par exemple j'ai 70,4%, soyons honnêtes, qui disent que la quête principale leur suffit. J'ai même 18% qui nous disent non, je ne finis même pas la quête principale. Donc en fait, ce qui reste, c'est 11% qui dit qu'il est un hardcore gamer. Ouais. Voilà. Et après, on a aussi les sondages sur lesquels Il nous avoue aussi que pour arriver à ces 100%, ils sont bien tentés de tricher aussi. Donc, on peut en conclure que les gens, quand ils ont la possibilité de la plupart sont des gens qui se contentent de la quête principale, mais dès qu'il y a possibilité un petit peu de se faire plaisir par la triche, etc., je pense qu'ils le font, mais il n'y a clairement pas vocation à terminer les jeux à 100%. On est une très petite minorité. Quoi. Puis surtout, il faut que les quêtes annexes aient de l'utilité dans l'histoire. Enfin, moi, personnellement, je fais partie des gens que, de base, j'en ai rien à foutre des quêtes annexes, honnêtement, je le dis sincèrement. Mais s'il y a de l'utilité dans l'histoire, pourquoi pas ? Mais moi, franchement, voilà. Il y a des jeux qui font de très bonnes quêtes annexes. Moi, par exemple, déjà, tous les jeux de BioWare, moi, je trouve que leurs quêtes secondaires sont généralement assez bien foutues. Peut-être parce qu'elles prennent place dans un monde, justement, concret et cohérent. Peut-être parce que moi, ça me permet juste d'errer dans ce monde un petit peu plus longtemps. Mais j'ai aussi The Witcher 3. Exact. Pour lesquels, je dois en être à un peu plus de 200 heures de jeu. Je suis toujours, je pense, à la moitié de la quête principale, tellement je m'éclate à faire toutes les. Ah ouais, tu l'as farmé à fond, quoi. Oui, mais parce que c'est intéressant, parce qu'il y a des quêtes de chasse où tu dois mener une enquête. Où c'est pas juste va défoncer le griffon qui habite au-dessus de la montagne là, et tu y vas et tu redescends et t'as le paysan qui te donne. Va attraper 4 poulets et puis va les donner à la cuisinière du coin là. Et tu vois, typiquement The Witcher, c'est un jeu, tu vois, qui se suffit entre guillemets à lui-même, mais j'ai quand même été obligé de suivre des guides parce qu'il y a quand même c'est un monde qui est vaste et du coup ils en profitent, ils font des enquêtes, des pièces d'armure. Tu veux telle armure, il y a des pièces là-bas. Des pièces ici, des pièces là. Il faut les trouver. Ouais. Et c'est relou. Enfin, je veux dire, si tu veux tout ton ensemble, il faudra vraiment investir du temps. Et du coup, moi, je suis des guides pour ça, pour contrer. Mais du coup, le guide, il faut le considérer c'est comme de la triche ou pas ? Parce qu'en fait, c'est un guide, c'est là pour t'accompagner, pour te donner des chemins, ou comme tu disais tout à l'heure, des trucs sur lesquels, mais jamais j'aurais pensé à ça dans le jeu, quoi. Le coup du nid, à t'asseoir 30 secondes dedans, ou l'histoire de la statue, c'est. Bah, c'est considéré, enfin, nous, on l'a mis dans l'intitulé comme de la triche, parce que ça te mâche le travail. Oui. Parce que. Disons que ça n'a pas été fait, que le jeu, même s'il se doute bien qu'il y a des guides, etc., et que 2 jours après la sortie, tu as déjà tout le jeu qui est en soluce, tout ça. Oui. Mais je veux dire, quand tu crées un jeu, normalement, tu ne devrais pas te dire il y a besoin d'un guide pour le faire. Oui. Voilà. Normalement. Après, tu vois, ça se nuance, parce que justement, Dark Souls, le guide, il est là pour te faire comprendre, il y a certaines choses. Pour te faire comprendre qu'il y a vraiment un travail de fond derrière et de réflexion. Ouais. Tu vois, mais ça va tellement trop loin. Oui, que mais des regarde, fois, tu penses Dark Souls a été. Le Dark Souls 3 a été très vendu. Ouais. Et quand tu vas dans les achievements, etc., il y en a, je crois qu'il n'y en a pas 11% qui ont fini le jeu. Mais ouais. même pas à 100%, hein, juste finir le jeu. Parce qu'ils accrochent pas, du coup. Après, c'est un autre débat de est-ce qu'il faut rendre plus accessible ou si ou là. Bon, en fait, j'allais rebondir sur ça. C'est que beaucoup de gens se plaignent que les jeux de maintenant sont trop faciles. Donc, ils ont dû se dire, ah, trop bien, enfin, un jeu difficile pour les hardcore gamers. Et finalement, est-ce qu'ils ont pas été surpris par la difficulté excessive du titre, en fait? Ouais, bah, du coup, c'est un autre débat, c'est clair. Mais Dark Souls, ouais, il y a beaucoup de gens qui ont surfé sur la vague et ils l'ont pris. En pleine gueule, en se disant « Ah, mais en fait c'est dur !» Totalement, oui, c'est un effet de hype, en fait. Ils se sont dit « Enfin, un jeu pour les hardcore gamers !» Et puis au final, ils sont tombés d'eau, quoi. Et encore, c'est vachement plus dur. Mais sinon, on est dans un cadre de jeu solo. Enfin, Nico, t'as quand même pas mal de choses à nous dire, je crois, sur ton expérience. Il paraît que tu triches pas mal. Moi, je suis un hardcore cheater, carrément. C'est une autre race de gamer. Voilà. Ah, moi, je suis un cheater professionnel, même, je dirais. C'est une philosophie. C'est, comment dire, oui, effectivement, tu parlais des guides qui peuvent être considérés comme de la triche, parce qu'on va vous expliquer, on va vous guider tout ça. De la triche légale, en fait. De la on va triche dire. Légale, voilà. Que l'éditeur du jeu a bien voulu vous laisser. C'est comme les fameux codes dans Age of Empires pour avoir plus de ressources, dans les Sims également pour avoir plein de monnaie, d'argent et tout, etc. Bon, voilà, ils sont connus, c'est l'éditeur même qui les donne, quoi, d'ailleurs. Donc, voilà, c'est toujours sympa, on s'éclate bien, d'ailleurs, avec ces petits codes. Et c'est vrai que moi je le reconnais, même dans Elder Scrolls 3 par exemple, il y avait un mode où t'avais un code où tu le rentrais, t'étais invincible. Là t'avais un mec avec une espèce d'armure qui arrivait devant toi, bah c'est pas grave, tu le lattais, tu piquais son armure, t'étais plus à poil. C'était pratique, je l'avoue. Et après j'enlevais le code et c'était bon, vu que j'avais la super armure niveau je sais pas combien, j'étais bien protégé, les autres ils pouvaient taper après. Voilà. Moi j'ai commencé surtout avec le cheat où on a des programmes exprès. Alors faut pas forcément connaître la programmation, mais trouver les bons. Alors c'était dans les magazines chez moi à l'époque. Hein. Pardonnez-moi. Ah, les magazines. J'ai connu ça, monsieur. Les magazines. Hein, notamment chez Amstrad, CPC, tout ça, j'en passais des meilleurs. Où on avait en fait les codes pour aller modifier dans le jeu. C'est parti, tout ça, etc. Mais j'ai continué longtemps puisque sur PlayStation j'ai encore une action replay, ce qui est magnifique. Attention, d'ailleurs. Hein. Ah ouais. Où là j'ai pu modifier. J'ai une de mes sauvegardes de Final Fantasy VII quand même. Hey, c'est du bijou. Level 99 de tous les personnages avec bien entendu chevalier de la table ronde, tout le monde là. Hein, c'est un bijou bien cheaté quand même. Hein. Et là je te garantis que Sephiroth il fait pas le malin pendant je ne sais combien de tours. Hein. Bah, du coup là c'est encore une dimension au-dessus du geek. Ouais, c'est vraiment, ça, c'est le hardcore cheater. Ah oui, c'est voilà le plaisir. Puis pareil, je me rappelle c'est sur Gran Turismo, PlayStation 1 toujours, ouais. Hein, premier volet. Je n'ai passé aucun permis. Et je les ai tous en or. Ah, oh. Et quelle comme fierté, du coup. Quelle fierté d'avoir. Quelle fierté. Mais après, j'avais toutes les voitures que je voulais. Je faisais toutes les courses. Bel exemple pour la jeunesse. Ouais, mais c'est ça. Conduisez sans permis. Non, mais c'est après pareil. Bon, je passe. Il y a aussi les éditeurs de sauvegarde aussi. Très, très pratique. Un éditeur de sauvegarde. Puisque là, tu peux. T'enregistres tes données sans altérer vraiment le jeu, en fait. C'est-à-dire, si t'avais pas beaucoup d'argent, d'un seul coup, tu te mets des millions dessus de crédits, de ressources, de modifier tout ça. Ce qui est quand même quelquefois assez sympathique, faut l'accorder, parce que tu te retrouves dans des situations, mais comment je fais pour avoir cette ressource-là, parce que c'est impossible de l'avoir ailleurs que là. Ben voilà, bon, tu passes par un éditeur de sauvegarde. Donc voilà. Tu fais partie de ceux qui modifient le contenu du jeu pour... d'ailleurs, je crois que oui. Fanny a un chiffre concernant ce... Oui, elle a un chiffre. Elle a un chiffre. Bah, va nous le dire. On attend que ça, voyons. J'ai dû modifier les stats depuis. Hein. Alors du coup, on a... Allez. On a 23,1% qui nous ont confié qu'ils étaient capables, enfin qu'ils ont déjà modifié un contenu. Et enfin, j'ai trouvé le nombre assez. Ah, 23%, c'est pas rien. Ouais, c'est pas rien. C'est pas rien quand même. Mais du coup, on incluait aussi les modes. Mais les modes sont pas toujours considérés comme de la triche. Par contre, en tant que cheater, je le fais surtout c'est sur vraiment les jeux en standalone quand je suis tout seul. Exactement. C'est par contre là actuellement, bon moi je suis sur World of Tanks notamment, donc on est sur du massif multijoueur. J'ai découvert qu'il paraît qu'il y a des modes qui permettent. C'est marrant, normalement tu peux pas voir à plus de tant de mètres de visibilité parce que c'est la vue humaine. Enfin, on prend en considération la vue humaine dans le jeu. Voilà. Et puis même à un moment donné, tu vois pas à un kilomètre comme si tu vois à 2 cm, quoi. C'est pas possible. Et il y en a, c'est le cas. Ils ont apparemment un mode dans le client Watt derrière pour voir au-delà. Et du coup, toi t'es là, tu te fais shooter avec un seul pruneau. T'es là, ok, d'accord. Il était où ce con ? Voilà. Il y a eu grosse polémique là-dessus, notamment quand les premiers FPS massivement multijoueurs sont sortis, où ça a tué des communautés entières, le fait qu'il y ait trop de cheaters, qu'ils n'arrivent pas à les réguler, et que du coup, toute la communauté se mette à délaisser le truc. Puis il y a un exemple avec le Rapid Fire, en fait, les manettes, où en gros, tu laisses ton doigt appuyer sur la gâchette, et ton arme tire automatiquement toute seule. Donc certaines personnes en ont profité, ils prennent, un lance-roquette ou un sniper, et puis ils laissent appuyer, et du coup, ça tire, mais à la suite. Mais donc, ça coup, même avec la manette Xbox One Elite, il y a un mode de tir comme ça. C'est possible. Le Rapid Fire, en fait, t'as même pas besoin d'appuyer complètement sur la gâchette et te balancer rafale sur rafale. Alors même si les constructeurs, nous mâchent le travail pour voilà. Mais j'ai quelques exemples de les. Tu vas nous lister des codes ? Non, alors, parce que. Bas. Attendez les gars, je prends des notes. Là, je pense qu'on n'a pas fini. Jeuxvideo.com. Hein, il y a des grands distributeurs de jeux vidéo qui ont forcément des règles et des mesures pour contrer ça, parce qu'en ligne, là on est tous d'accord à mon avis, tricher ça fait chier. Steam, eux, dans leurs conditions générales d'utilisation, si t'es pris à tricher, je crois qu'il attendait. Votre jeu se retrouvait. Oui, il peut bloquer le compte sur lequel tu joues ou le jeu sur lequel tu joues. Du coup, ça, Steam, c'est leur comment dire leur politique. Leur politique, ouais, exactement. Et du coup, ils ont en fait, ils ont un logiciel, ça c'est VAC, je crois, Valve Anti-Triche, qui comment dire. Même, attends, parce que là, du coup, j'ai du mal à me relire. Même quand t'es pas en cours d'utilisation, s'ils détectent que t'as triché, enfin qu'il y a un truc installé dans ton, dans les fichiers du jeu comme étant de la triche, même si tu l'utilises pas en ce moment même, bah ils te bloquent quand même. Quoi. Blizzard, c'est un peu la même politique. Uplay, lui, va un petit peu plus loin. Lui se réserve le droit de bloquer tous les comptes utilisateurs que vous avez créés jusqu'à maintenant. Donc ça veut dire que si t'as, si t'as un multi-compte en fin de compte, dès lors que t'as triché, il te ferme tout. Mais attention, Rockstar et Origin, ils rigolent encore un peu moins là-dessus, parce que là, c'est pas tous les comptes que t'as créés, c'est tous les comptes que toi tu as créés et que tu peux créer. Ah d'accord, donc c'est-à-dire que fini. Là, si t'es pris en train de tricher, t'es banni à vie. C'est dissuasif, hein. Ouais. Voilà. Et coup, c'est répercuté sur deux générations. Waouh. Tu vois tes enfants, ils pourront plus jouer à cause de toi. Fais gaffe. Donc ma source là-dessus, c'était Millennium pour ça. Voilà. Voilà. Ouais. Vive avec ça sur la conscience. Ouais, c'est ça. Donc, du coup, tu dors plus. Et du coup, vous savez, tout à l'heure, j'ai lu ça et là, je me suis dit. Attends, sur Origin, je crois que j'ai un truc modifié dans un des jeux. Mais c'était pas de la triche, hein. C'était, comment dire, sur Need for Speed Hot Pursuit, le jeu est à 30 images par seconde, en fait. Et moi, je suis, putain, un jeu de course à 30 images par seconde sur PC, ça m'arrache les yeux. Je le veux à 60. Du coup, je l'ai mis à 60. Sauf qu'en fait, ça accélère tout le jeu. Oui. Oh, purée. Et, du coup, tout va trop vite. Et je me dis, non, mais s'ils considèrent que si je joue avec des gens avec ça, je vais les fumer. Ah, non, oui. C'est pas possible. Ah oui, je l'ai désinstallé aujourd'hui même en lisant ça. Bah moi, c'était un éditeur de sauvegarde que j'avais pour Need for Speed, le Hot Most Wanted. Ah oui. Voilà. Carrément. Ah mais attends, mais c'est vachement récent en plus. Ouais. Oh. Oh, ça m'intéresse. Il y a un éditeur de sauvegarde exprès où tu peux te rajouter un peu de. Attends, c'est. Prends des notes, Max. Prends des notes. Éditeur de sauvegarde, c'est-à-dire c'est réglementé ou c'est pas. Bah non, tu c'est viens pas... juste modifier en fait ta sauvegarde de jeu en fait. T'as tout. Mais t'as pas le droit normalement. Normalement, t'as pas le droit. Normalement, voilà, t'as pas le droit. Oh, fais attention. Mais on te filera les coordonnées de comment réussir. Ah non, mais moi je m'en fous. Moi je veux pas. Moi je veux être légal. Tu vois. Il est en train de tendre un papier à Nikos, je le vois. Ça prend des notes discrètement là. Hein. Voilà. Alors du coup, je pense que c'est à peu près tout ce qu'on pouvait dire sur la triche. J'étais très heureuse de toutes les réponses qu'on a reçues. Je sais pas si vous aussi ça vous a fait pareil. Moi aussi, ça m'a bien fait rigoler. Mais est-ce qu'on va savoir le nom du gagnant ? C'est quand qu'on va le savoir ? Et quand est-ce qu'on va le savoir ? Là, on est en suspense là. Juste après la pause. Une petite pause musicale avec IAMX qui nous chante Happiness et c'est ma chanson. À tout de suite. I know. Depuis 2006, musique, émissions, cadeaux, événements. Avec somme nous, Radio Malherbe Grenoble. RMG, numéro 1 en Rhône-Alpes. RMG. Et rebonsoir à tous, rebonsoir à toutes. Nous sommes toujours sur RMG Gaming et l'heure est venue pour vous, pour nous, pour tout le monde d'apprendre le gagnant du concours que nous avons organisé sur notre page. Et je laisse Max l'annoncer. Roulement de tambour. Alors, attendez, je prends l'enveloppe, j'ouvre l'enveloppe, je tire le nom pour lire le nom. Le grand gagnant est... C'est pas une gagnante. Déjà, alors, malheureusement, voilà. je suis triste. Hein. Le gagnant est Mathieu Doré, que je connais. Hein. Ah bah bravo, les voilà. Tu connaissais, effectivement. Et, voilà, et du coup, voilà, petit enfoiré, tu as gagné le jeu. Voilà, donc je t'enverrai un mail plein d'amour et de photos de moi nu. Oh. Courage. Est-ce Courage. Que tu mettras l'enfoiré dans le mail ou... Oui, bah, bien sûr. Toujours un peu d'amour vache. Ne jamais trop les contenter. Bon, du coup, voilà, tu as le droit au titre de Clay Entertainment qui n'est pas encore sorti officiellement. Et le titre qui s'appelle Oxygen Include. Not Include. Not Include. Yeah. Voilà. Yeah. Yeah. On est toujours très, très bilingue à RG. Que ce soit dans toutes les émissions que je fais, on est toujours très bilingue. Est-ce que c'est un truc des Français? Je pense. Ouais. Bah, du coup, on remercie bien fort les développeurs pour ouais, nous avoir. Ouais, ouais, ils sont vraiment super sympas et. Et je suis vraiment très contente d'avoir pu, comme tout le monde ici, je pense, d'avoir pu proposer ce petit jeu. On va essayer d'en faire plus, d'en faire d'autres à l'avenir. Et puis voilà. Voilà. D'accord. Du coup, Mathieu, si tu veux le jeu, t'as intérêt à partager la page. Hein, ouais, parce que, du ouais, coup, s'il te plaît. On a besoin de visibilité, alors tu feras pas ta... Voilà. Voilà. Et un petit chèque à l'ordre de RMG aussi. Ouais, voilà. 200 euros, s'il vous plaît, à l'ordre de Fanny. Fanny, la jolie fille qui parle dans la radio, s'il te plaît. Merci. Et tout de suite, du coup, on va passer à notre dossier bonus, notre dossier un peu fourre-tout dans lequel on a réuni quelques infos dont on pensait qu'il serait bon de parler. Et de parler en français, ce serait pas plus mal, Fanny. Alors tout de suite, Loïc. Oui, alors du coup, c'est concernant le retour de la licence de Crash Bandicoot. Alléluia. Plutôt, oui, j'étais plutôt content quand j'ai appris ça, sur PS4 en fait. Donc c'est Activision qui va proposer le remaster des trois premiers opus de la PS1, donc qu'il a appelé Insane Trilogy. Et donc il va regrouper les trois premiers opus, donc vraiment le jeu était entièrement refait, c'est-à-dire que le gameplay est d'époque, mais les graphismes sont actuels. Je sais pas si c'est déjà annoncé, mais est-ce qu'il va y avoir la possibilité de passer sur des modes de contrôle un peu plus contemporains, comme le proposent certains jeux déjà. Alors à mon avis, je pense que les contrôles ont dû être effectivement réadaptés, mais je pense qu'ils resteront quand même sensiblement identiques aux versions PS1. Mais voilà, ce sera surtout en fait le moteur graphique qui a été complètement refait. D'ailleurs, je trouve que le terme remastered, pour ma part, n'est pas vraiment juste. Pour moi, c'est plus un remake qu'un remaster, mais après c'est subjectif. Et donc voilà, donc c'est le, pour moi c'était vraiment un gros coup de cœur, je tenais à en parler. Et du coup, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le jeu a été annoncé exclusivement sur PS4 avec une sortie prévue le 30 juin. Sauf qu'on a appris récemment que cette exclusivité était temporaire, puisque le jeu. C'est étonnant. Voilà, lésé. Archi étonnant, ouais. Archi étonnant, quoi. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Non, bah ouais. Et du coup, le jeu sortira aussi sur Xbox et PC, mais à une date encore inconnue. Donc, mais du coup, c'est confirmé ou c'est de la rumeur, ça, quand même? Non, non, ça a été confirmé, en fait. C'est-à-dire que le jeu finira par sortir sur Xbox et PC. Ce qui est pas plus mal pour les gens qui... Parce qu'à l'époque, c'était une exclusivité PlayStation. Bah, surtout que Crash Bandicoot, pendant de nombreuses années, c'était la mascotte de la PlayStation, quoi. C'est-à-dire, il y avait Nintendo avec Mario et il y avait Sony avec Crash. Et du coup, ce qui est hyper étonnant, c'est que cette exclusivité d'époque a été totalement perdue. En fait, tout simplement depuis le rachat de la licence par Activision. Donc eux, ils aiment bien faire du multi-support, alors du coup ils se sont dit, bah tiens, pourquoi pas sortir le jeu sur Xbox et sur d'autres consoles. En même temps, déjà que c'est des jeux en remake, en remaster, qui se vendent donc un peu moins bien qu'un jeu qui sortirait comme ça, c'est peut-être pas plus mal de le ressortir sur plusieurs plateformes au niveau du rendement et au niveau de l'investissement, de l'amortissement. Bah, finalement, c'est un peu du fanservice en fait, parce que c'est, pour ma part, ce jeu c'est vraiment pour les fans de Crash en fait, c'est que... Ça peut éventuellement attirer les nouveaux qui n'ont pas connu Crash Bandicoot à l'époque, peut-être parce qu'ils n'avaient pas de PlayStation ou qu'ils étaient trop jeunes. Mais moi, je sais que personnellement, j'étais fan absolu des trois premiers Crash Bandicoot sur PS1. J'ai direct précommandé le jeu, mais pour quelqu'un qui a pas vraiment connu soit la PlayStation ou soit Crash, est-ce qu'il va se laisser tenter? Honnêtement, je sais pas. Bah, peut-être qu'il y a aussi une stratégie, comme tu disais, de toucher un maximum de joueurs, mais le maximum de joueurs, tout le monde en fait connaît Crash en fait, et tout le monde n'est pas forcément sur PlayStation. Alors il y a peut-être une volonté de Sony de se dire on lâche un peu du lest pour justement toucher absolument tous les joueurs qui ont connu cette licence, au lieu de les pousser à acheter une PS4. Peut-être que c'est une stratégie. Bon, je sais pas. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que cette décision ne vient pas de Sony, mais de l'éditeur Activision. C'est lui en fait qui a les droits d'exploitation de la licence. Et c'est lui qui a dit en gros, certes, c'est à la base c'est un jeu PlayStation, on veut le sortir sur Xbox et PC. Mais c'était une bien belle théorie. Merci, elle était jolie, mais elle était de la merde en fait. Parce que en fait, ce qui est assez surprenant, c'est que Naughty Dog, celui qui développe le jeu cette fois, je suis pas complètement. Qui a développé les jeux. Ouais. Voilà. Alors, en fait, qui a l'origine de la saga. Ils sont fidèles à Sony depuis 1996, quoi. Ouais. Et c'est complètement dingue. Et je sais pas, les chiffres, je pense que les Crash, ils ont toujours été bons. Si je dis pas de conneries, si je vous trouve les chiffres, je vous le dirai. Mais tu seras notre fil rouge de la chronique. Ah si, je les ai. 1996, bon, c'est d'après Wikipédia, hein, j'ai pas trouvé donc mieux. Donc c'est très fiable. On va dire 50%, on va dire. je crois que le premier, il a été vendu à 6 millions et quelques. Ouais. Si je dis pas de bêtises, parce que pour l'époque, c'est pas dégueulasse. Quand même. C'est pas dégueu du tout. J'espère que je dis pas de conneries, hein, vraiment sur le coup. Le deuxième, qui est sorti en 97. Du coup, on constate que les temps de développement étaient un peu plus courts. Il s'est vendu à 7,58 millions. C'était pas mal non plus. Et le 3, à 7,13 aussi. Du coup, ça c'est son Wikipédia, mais c'était quand même des sacrés chiffres. Et c'est quand même... voir Naughty Dog changer de... Mais par contre, pour revenir à Naughty Dog, il me semble que c'est pas eux qui ont développé le remaster, mais je crois que c'est même un studio avec Activision, mais c'est pas Naughty Dog, il me semble. Ah, c'est pas Naughty Dog. Là, maintenant, c'est pas Naughty Dog. Alors, je suis pas certain à 100%, mais si je dis pas de bêtises, c'est pas Naughty Dog, en fait, qui a développé le remaster. Il me semble que ça m'étonnerait pas que ce soit pas Naughty Dog, justement, parce que eux, quand ils font... Ouais, peut-être, ou alors juste d'Activision, parce que généralement, Naughty Dog, eux, restent assez fidèles à leur matériau de base, justement, quand ils font des remasters ou des portages comme ça. Donc, puis fidèles à Sony à la base, donc à mon avis, ça m'étonnerait que ce soit Naughty Dog qui soit à l'origine d'un portage sur une console autre que Sony, en fait. Non, ça les desservirait à l'avenir. Mais du coup, je sais pas vous, mais l'effet de voir une exclue, enfin, à la base, Sony, tu vois, passer... Du côté vert de la force, quelque part, on peut le dire, tu n'as plus ta console tu n'as plus ta console Xbox pendant quelques temps, le temps qu'elle retourne au SAV, et il y a que Loïc ici qui est... Ah, moi je suis équipé, moi Xbox One, PS4, G2. Voilà. Mais d'arrive quand elle arrive en décembre, non? Pas décembre. Pour Crash Bandicoot. Ouais. Alors la version PS4, c'est pour le 30 juin. Ah non, c'est bien bientôt. Et pour ce qui est de la très certaine version, enfin la même certaine version Xbox One et PC, c'est la date est encore inconnue. D'accord. Mais okay. À mon avis, je pencherais plus pour une exclusivité d'un an, comme ils ont fait avec Rise of Tomb Raider sur Xbox, PS4, etc. Mais du coup, tu amènes la question suivante. C'est est-ce que du coup, j'ai tendu la perche. Ah ben c'est gentil, je la prends en volonté. Voilà. Est-ce que les exclusivités de maintenant, elles ont encore le même impact? Qu'est-ce que ça vaut une exclusivité maintenant? Enfin, là, on a eu l'exemple l'année. Non, c'est 2015, Rise of the Tomb Raider. Alors, Rise of Tomb Raider sur Xbox One, si je dis pas de bêtises, c'était fin 2015, et sur PS4, fin 2016. Ouais. Bah, du coup, des grosses licences comme ça, normalement, tu choisis un camp. Tu choisis un camp ou tu prends les deux. Mais, est-ce que c'est mon petit côté fan et du coup un peu sensible, mais je trouve ça presque triste, quelque part. Parce que quand je me rappelle, moi, j'avais la Xbox One. Enfin, non, pas la One, mais enfin, ben, les. La 360 ? Non, la première du nom. La toute première Xbox. Ouais, tu sais, l'espèce de pavé là qui pesait 40 kilos. Oui, j'ai eu ça, le gros radiateur. Ouais, le radiateur. Avec le X et le rond vert au milieu. C'était moche, n'empêche. Ah, ouais, c'était hideux. Ça ressemblait un peu au design d'Alien, tu sais. Ah, c'est. Ouais. Et pour l'anecdote, à la base, la console devait être en forme de X et non pas rectangulaire. Elle devait vraiment en fait en forme de X, d'où le terme Xbox, parce que ça a été développé sur DirectX, en fait, un système, on va dire, d'exploitation de Microsoft de l'époque, et pour referrer le X de Xbox, la console devait vraiment former le se signe et finalement se dit non, c'est trop chiant. Du coup, ils ont fait un écran dégueulasse, bon, un radiateur. Ça leur ira. Quel fanboy. Et du coup, c'est vrai que je me rappelle, il y avait plein de jeux auxquels je pouvais pas jouer parce que j'avais la Xbox et pas la PS, pas la PS2. Et bien, je nourrissais une espèce de fascination pour ces jeux que je pouvais pas avoir. Ouais. Et ça j'ai me connu permettait ça aussi. À l'époque, les let's play n'existaient pas ou des choses comme ça. Mais si s'il y avait eu des let's play à l'époque, je serais allé voir tous ceux de tous les jeux que je pouvais pas avoir. Et ça aurait créé aussi quelque chose de, je sais pas, de ça... magique. Ouais. Et je sais pas aussi si tu as eu ça, mais par exemple, je me rappelle à l'époque, j'avais un copain qui avait GTA Vice City sur PS2. À l'époque, j'avais la Xbox, et j'étais dégoûté de pas pouvoir y jouer, et le jour où j'ai vu le jeu débarquer sur Xbox, mais pour moi, c'était le plus beau jour de ma vie, quoi. Oui. C'était oui, enfin oui. Un GTA sur Xbox. Après, j'avais pas d'amis, donc je peux pas dire. Ah, ça après. Oui. Je suis désolée. On est là. On est là pour toi, Fanny. On est là, Fanny. Merci, merci, merci, les gars. Rejoins la secte. Du coup, en fin de compte, il n'y a même plus de concurrence d'une plateforme à une autre, puisque tous les éditeurs éditent pour toutes les plateformes. Là, je viens de regarder le gros truc à un moment donné où c'était vraiment la grosse guerre et les gros clans. C'est-à-dire, d'un côté, vous avez la franchise eSport de FIFA, qui était exclusivement chez Sony. Et de l'autre côté. C'était toujours Sony ? Alors, ah oui, ils ont souvent été avec sur PlayStation plus qu'autre chose. Hein. Je sais que PS3 s'est abandonné. Non et moi, PES, FIFA sur et Xbox, PES hein. En face qui était essentiellement sur Xbox. Et ça a été que récemment, qu'à un moment donné, enfin récemment, tôt à mon échelle de vie. Échelle d'humanité. Voilà, c'est-à-dire dans les derniers 20 ans. Voilà, dans les derniers 20 ans, voilà, ça c'est que quasiment, il n'y avait plus de concurrence et plus de clans, entre guillemets, Xbox, PlayStation et FIFA, PES. Quoi. Je pense que les consoles se dirigent de plus en plus vers des clouds de multimédia, donc, c'est-à-dire avec, par exemple, le fait qu'ils lisent des DVD, que tu puisses aller sur Internet, que tu puisses avoir Netflix, que. Ah, mais des totalement, trucs comme oui. Ça, plus pour orienter les ventes dans leur sens plutôt que sur les exclusivités, c'est ce qui marche plus vraiment en fait. Puis surtout que maintenant les consoles de jeux, comme tu disais, c'est plus juste des consoles. C'est maintenant tu lis tes Blu-ray, tu vas sur YouTube, tu peux streamer en direct. Enfin, je veux dire, c'est vraiment des hubs multimédia en fait maintenant les consoles d'aujourd'hui. Max n'a pas l'air d'accord. Non. Je, en fait, là, dans cette génération actuelle, il y a vraiment que Sony encore qui arrive à véritablement tenir ce principe d'exclu. Il y a quelques trucs qui lui échappent, comme Rise of the Tomb Raider pendant une année, etc. Mais il y a, en ce moment, je pense que Loïc va confirmer un peu ça. Dis-moi tout. C'est je déciderai après. Sony a réussi à avoir des exclus qui maintient et Microsoft reste maintenant un petit peu en retrait. Par rapport à ça, il n'y a plus vraiment de grosse puissance à proposer pour sa console et du coup ça pousse aussi Microsoft à faire des demandes un petit peu désespérées, j'ai l'impression, en ce qui concerne par exemple le cross-platform pour le multijoueur. Par exemple, il y avait une demande pour par exemple jouer à Rocket League, entre joueurs de Xbox One, PS4, PC, etc. J'ai l'impression que c'est aussi un petit peu un petit aveu de faiblesse pour dire chez nous. Et d'ailleurs, par rapport à ça, ce qu'il faut savoir, c'est que le processus en fait est vraiment au point. C'est-à-dire que dès qu'ils veulent, ils peuvent le lancer. Mais juste parce que Sony a dit non, j'ai pas envie, et du coup, ils le font pas. Oui, mais j'aimerais toujours Sony. Je suis désolée. Ah oui, non, mais moi j'aime les deux. Donc. Ouais. Je peux comprendre. Hein, Sony en position de force. Oui. Total, je vois pas pourquoi ils céderaient un petit peu Surtout que leurs exclusivités, Sony, ils les gardent toujours. C'est-à-dire que par exemple. Sauf pour Crash, du coup. Sauf pour Tomb Raider. Mais je veux dire par exemple Naughty Dog. On parlait de Naughty Dog. The Last of Us. Oui. Qui est toujours en exclusivité sur. Il y a intérêt. Ouais. Donc le 2 est en développement d'ailleurs. Le 2 est en développement d'ailleurs. Et on a vu les premières previews et elles sont. À mon avis, ça va envoyer du bon. Ouais. Ils ont plutôt intérêt. Parce qu'ils en fait, c'est la suite directe du 1, quelques années après, et puis continue l'histoire. On mettra la bande-annonce d'ailleurs sur la page. Je ne l'ai pas regardé d'ailleurs. Et ben voilà, ça te donnera le. Ah, mais je ne regarderai pas. Je vais lui préserver la surprise. Mais je pense que pour Microsoft, on peut conclure qu'à gros coup de chéquier, il peut. C'est exactement ce que j'allais dire d'ailleurs. Comme il a. Pas grand chose à proposer, il a toujours quand même un sacré pactole derrière pour pouvoir toujours rester en vie un petit peu. Mais est-ce que c'est pas éponger les fuites, tu vois? C'est ça, c'est carrément ça. Faut qu'ils aient vraiment une stratégie derrière, quoi, que pour l'instant ce soit éponger les fuites et puis après c'est rebâtir un mur, quoi. Et d'ailleurs, j'en profite pour qu'est-ce qui va pousser Microsoft à parler directement de sa Scorpio, c'est qu'ils savent qu'ils sont en train de prendre le naufrage comparé à Sony. Ils ont la chance d'avoir une santé financière supérieure à Sony. Ce qu'il faut savoir, c'est que Microsoft, en termes de santé financière, ça dépasse de largement Sony. Du coup, ils ont les moyens de sortir le chéquier. Ils ont les moyens, entre guillemets, d'acheter, donner des pots de vin, on va dire, aux développeurs pour que ce ne soit pas une exclusivité de la concurrence. Donc, à mon avis, là, ils savent que, mis à part le chéquier, ils n'ont plus rien à proposer parce que, concrètement, les Xbox One, ils se sont tellement tirés une balle dans le pied dès le départ qu'ils étaient mais semés dès le début, quoi. Donc au final, ils se sont dit, bon, bah maintenant, plus le choix, quand on sort le chéquier à fond, et puis on... Ce qu'ils pourraient faire aussi, et ce qui, ça a été une stratégie qui a été plus ou moins longtemps utilisée, c'est aussi d'amortir un moins grand profit sur les consoles pour pouvoir charger les jeux derrière, et du coup, rendre les consoles plus performantes, plus abordables, et du coup, dès que tu as une console qui est plus abordante, plus performante, tu vas... naturellement te diriger vers cette console pour choisir tes jeux, etc. Donc c'est... Bah là, pour le moment, Microsoft est encore à la bourre, du coup, et pas sûr que la Scorpio change la donne. Ça va être vraiment, comme tu disais tout à l'heure, dans la même optique que la PS4 Pro. On n'aura pas une révolution au niveau puissance, etc. Et à mon avis, c'est pas ça qui fera changer de bord les joueurs. De toute façon, maintenant, les joueurs, ils ont déjà leur console. Sur le papier, la Scorpio, enfin, de ce que dit Microsoft, après, encore une fois, c'est sur le papier, donc sur le terrain, ce sera peut-être différent. Ils annoncent par deux. On peut voir ça comme ça. Et en fait, ils annoncent de la 4K native. C'est-à-dire, en gros, c'est, pour ma part, bien et pas bien. C'est que ce sera une vraie next-gen. Donc, t'auras vraiment de la vraie 4K. Les jeux seront développés en 4K. Mais honnêtement, enfin, je sais pas vous, mais parmi vous qui a un écran 4K chez lui, pas beaucoup de personnes. Ouais. Donc, il y a quand même maintenant, je vois des prix qui commencent à être vachement accessibles. Bah, ça commence à devenir abordable, mais en dessous de 600 balles, t'as rien, quoi. Mais après, ça dépend aussi des développeurs. Et celle-là, c'est pareil. S'ils ont pas de, à mon avis, s'ils ont pas d'exclus, les développeurs, ils vont essayer de. Comment dire, ils vont optimiser pour le maximum de machines possibles. C'est là qu'est le cercle vicieux d'ailleurs. Là, ils vont avoir du mal. Enfin, je veux dire, si Microsoft arrive avec ses 4K natifs. Et en plus, je crois avoir sur internet, il y a un document comme quoi, je crois que c'est Digital Foundry qui s'occupe encore de ça. Ouais, ils sont en train de nous ramener les pieds sur terre. Voilà, votre Xbox Scorpio, ce ne sera pas la folie. Hein. Voilà, faut arrêter. Tu ne vas pas vendre un truc à plus de 600 balles. Tu vas vendre un truc à 600 balles. 600 balles. T'as pas, c'est un prix, c'est un certain prix. Ah oui, c'est mais déjà, on le sait pas le prix, hein. Mais ça sera sans doute. Justement, je crois que t'es pas loin de la vérité. Ils ont annoncé une console, donc la Scorpio, entre 600 et 700 euros. Avec ça, Vaseline n'est pas vendue avec, désolé. Même avec ça, comment hypothéquer ces 5 prochains Noël, voilà. Ah ouais. Voilà, grosso modo, c'est ça. Donc ils ont été renvoyés du lourd à ce prix-là. Mais même avec ça, je veux dire, niveau matériel, ils vont faire des concessions parce que 600 euros, il faut savoir que il faut qu'ils se fassent une marge derrière. Et ça sera juste une upgrade. Ça sera pas une révolution. Hein. Leur console, c'est pas ça qui va les sauver. Et je pense pas que ça soit ça qui leur apporte des exclus, comme on est en train d'en parler tout à l'heure. Quoi. Puis pour en revenir aux exclusivités, c'est là ce qui est vicieux, c'est qu'en fait les développeurs ne veulent pas investir dans une console en début de vie parce que ce sera pas assez rentable pour eux. Le problème, c'est qu'est-ce qui fait vendre une console, justement, c'est les exclus. C'est les jeux de lancement. C'est les jeux de lancement. Donc t'en arrives à un point où tu te dis, moi, je veux bien acheter telle ou telle console, mais qu'est-ce qui va me faire pencher sur cette console plutôt qu'une autre? S'il n'y a pas d'exclus, ça sert à rien. Tu vas du côté des développeurs, oui, mais en même temps, il n'y a personne qui a cette console. Le parc installé est quasi inexistant. Donc si je développe un jeu, je vais pas avoir de marge dessus. Et du coup, tu rentres dans une spirale infernale qui est la contrepartie finalement entre intérêt de la console vis-à-vis de, enfin que les consommateurs lambda ont de la console et des développeurs en fait. Mais, mais c'est des paris vachement risqués en fait parce que moi je me rappelle encore années 90 hein, bien entendu. la Sega avec la Saturn, ouais, qui était, faut dire, une bête de course à côté. La PlayStation était ridicule presque hein, en termes de moteur. En termes de puissance, c'est clair. Ouais. C'était ridicule. Il y avait un jeu, ça s'appelait Night Tales, je crois, ou un truc comme ça. un espèce de jeu comme Sonic, mais environnement 3D complet. Ah, il était dégueulasse, non? C'est, tous les Sonic en 3D sont dégueulasses, ça. Mais là, c'était pas du Sonic, hein. Ouais, ouais, mais c'est pas un renard orange, non, c'était je pas sais un truc même comme plus, ça. Tu changeais de personnage, tout ça. Non, bah, je dis une connerie. Non, mais, alors, pareil, même principe, tu devais choper des pièces, hein, ou des anneaux, je me rappelle plus. Non, les anneaux, c'est marque déposée Sonic. Sonic, bien entendu. Mais tu devais attraper des parcours, tout ça, etc. Et ça allait à une vitesse. Je n'ai jamais vu un jeu aller aussi vite que ça. Déjà, pour ceux qui ont connu Sonic, quelquefois, c'est, mais je me demandais comment on fait pour jouer à Sonic. Parce qu'une fois que t'es parti à fond, dessus, en vitesse, mais comment tu fais pour dire droite, gauche, voilà, tu laisses le machin faire sa vie. J'ai toujours vu ça comme un truc auto. C'est, voilà, tu laisses faire sa vie. Et là, ben, dans ce jeu, c'était, mais tu hallucinais, quoi. C'est, mais par contre, effectivement, c'était exclusivité, chez Sega, sur la Saturn. Il y avait beaucoup de jeux en exclus, et ça l'a tué aussi, quoi. C'est bon, après, bon, bah, Sony a tellement aussi bien fait le travail avec la PlayStation 1 que bon. Puis concrètement, Sony, ils ont tellement en eu face, donc ils bah, pas je c'est... pense que c'est les gros seins pixelisés de Lara, tu peux pas rivaliser c'est ça, face à ça. C'est ça. Voilà, du coup, on a fait notre petit dossier complémentaire. On va s'écouter une petite chanson. Name of the Game, c'est Loïc qui nous l'a présenté. Oui, tout à fait. C'est d'ailleurs la BO d'un jeu que j'affectionne tout particulièrement, mais j'en parlerai peut-être après la musique, je pense. Oh, je laisse au suspense de la découverte. Allez-y. Allez, j'approuve. We'll be right back. première web radio de la région. RMG, réagis tous les jours en direct sur rmg38.net et sur l'appli iPhone. À Grenoble, retrouve toute l'actualité et les coulisses de ta radio, yes, sur Facebook, Twitter et Instagram. Et nous nous retrouvons sur RMG Gaming pour la fin. Oui, la fin, mais ce n'est pas encore fini, les amis. Il nous reste encore 15 minutes à passer en compagnie de tout le monde. C'est ça, RMG Gaming, c'est une grande plateforme d'échange, tout ça. Et je vais te sortir tout l'argumentaire pseudo-social. Il faut préciser qu'on titille le projet du gaming aussi, c'est important. Oui, je ne l'ai pas fait cette fois-ci, c'est vrai, heureusement que tu es là. Alors du coup, nous sommes toujours en présence de Loïc, qui aime bien parler de titiller le projet apparemment. Oui, le point G du gaming, j'aime bien. Oui, je suis comme ça, moi. Je dirais ça à Dès que ça parle de point G. Je dirais ça à ta copine, je la connais. Et je sais que tu la connais. Oh mon Dieu. Et nous avons aussi Max à l'autre bout de la table. Oui. Salut. Oui, salut. Salut. Alors, je vais demander à Max, mon bisu préféré, de nous dire les moyens de communication parce qu'il adore ça. Ah, ça fait un peu SM quand même. Hein. Oui, c'est vrai. Je vais jamais m'y faire. À chaque fois, tu me prends par surprise. Alors, vous pouvez arrête nous de le prendre. Vous pouvez nous suivre sur Facebook, sur Radio Malherbe, Grenoble RMG officiel, sur Twitter avec le petit poisson bleu RMG 38, sur vos portables, vos petites boîtes qui servent à téléphoner. Sur l'appli iPhone et Android TuneIn. Yes, voilà. Et aussi sur notre page Facebook dédiée, officiel. Rien qu'à nous, RMG Gaming officiel. Si, la famille, toi-même tu sais. Eh oui, le gadget quoi. Voilà, alors du coup le jeu, tu nous as teasé Loïc en nous disant que cette musique venait d'un jeu que tu affectionnais toujours. Oui, alors c'est le générique de fin du tout premier Splinter Cell sorti à l'époque sur Xbox dans un premier temps et plus tard sur PS2 et GameCube. Ouais, et PC aussi. Et je l'avais. Eh ben moi je l'ai toujours, mais comme c'est sur la première Xbox et que j'ai une Xbox One, eh ben je ne peux pas l'utiliser. Ah, et si on parlait de rétrocompatibilité N'est-ce pas, n'est-ce pas. Attendez. Qu'est-ce que c'est bien amené. Du coup, je dois vous parler de mon flop. Vas-y, flop. Allez, je vais commencer par ça, du coup. Souvenez-vous, en 2012, Sony rachète Gaikai, si je prononce bien, hein, une société spécialisée dans le streaming, dans le but assez obscur de lier jeux vidéo et streaming. Voilà. Et comme disait tout à l'heure en off Loïc, ce service-là s'appelle PlayStation Now et il permet aux joueurs, moyennant 17€ par mois, de jouer à plus de 450 jeux PS3 en ligne, c'est-à-dire sans posséder matériel, ne serait-ce qu'une manette PS4 ou PS3. Et pas que PS3, il me semble, il y aura aussi PS2 et PS1, si je dis pas de bêtises. Je crois que c'est 450 jeux PS3 sur le coup. Que PS3, d'accord. Non, mais il y a possibilité que ce soit, il y a des jeux PS2, mais, le chiffre est lié pas. Ou je dis une connerie, et dans ce cas-là, je me ferai fouetter. Orphanie, et je suis comme ça. On pouvait jusqu'à maintenant, entre guillemets, jouer sur à peu près toutes les plateformes pour ce service, c'est-à-dire sur PS3, sur PS Vita, sur PSTV, sur TV Sony Bravia, Samsung TV, lecteur Blu-ray Sony, PS4 et PC. Mais maintenant, sachez que Sony retourne en arrière et décide de couper tout sauf PS4 et PC pour se recentrer essentiellement là-dessus parce qu'ils se sont sans doute rendu compte que j'ai pas de chiffres, hein, mais ça se trouve les gens ne veulent pas jouer en streaming à des jeux vidéo, déjà parce qu'il faut une connexion archi costaud, faut payer 17 balles par mois pour ne pas avoir les jeux avec une connexion merdique. Bonjour Sony, à mon avis vous rêvez. Et pourquoi ils font ça? Parce que ils ont décidé de se coucher concernant la rétrocompatibilité, hein, qui est, comment dire, comme disait Nico tout à l'heure, sur PS2 on pouvait avoir les jeux PS1 dessus sans problème. Maintenant c'est du travail, alors vous comprenez, on va pas vous les fournir cette rétrocompatibilité, je dis n'importe quoi. Et comment dire, du coup ils proposent un service comme ça à la con, et pour moi c'est un aveu d'échec déjà de supprimer quasiment toutes les plateformes pour se concentrer juste sur la PS4 et le PC pour jouer à ça. Mais faut savoir que c'est pas disponible en France officiellement, hein, ce système, parce que comme disait Loïc tout à l'heure, c'est en bêta ou on sait pas. En fait c'est sorti il y a à peu près, si je dis pas de bêtises, peut-être 2-3 ans. Ouais. En bêta avec une 15-20 jeux en fait de proposer, sauf que les jeux sont entièrement en anglais Et en fait, on n'a toujours pas de nouvelles de la version définitive. C'est toujours du PlayStation No Beta. Bah, en tout cas, nous, on n'y a pas accès. En Belgique, je sais qu'ils peuvent, mais je suppose que c'est un produit fini. Hein, mais bon. Faut être belge. Voilà, mais. Heureusement qu'ils ont les frites pour se rattraper. Hein. Hashtag cliché. Bah, en tout cas, la stratégie de Sony peut se comprendre de se concentrer uniquement sur la distribution sur PS4 et PC, parce que les gens sur PC en général ils veulent bien jouer aux exclus PS4, mais ils sont pas assez cons pour acheter une PS4. Du coup c'est pour ça qu'on leur propose. Et mais bon, on tape sur Sony, mais Microsoft entre guillemets ils ont pas fait mieux entre guillemets, parce que la rétrocompatibilité sur Xbox One, elle est quand même pas une initiative de base, c'est un changement, comment on appelle ça, changer de fusil d'épaule. Ouais, c'est ça. Voilà. Et du coup, ils font ça assez progressivement, au compte-gouttes. Il y a pas mal de jeux, mais c'est encore pas la folie au niveau même de la Xbox native et de la 360. T'avais aucune rétrocompatibilité quasiment. T'en avais quelques-unes. À la sortie, t'avais une dizaine de jeux, et après ils ont fait une mise à jour où là ils sont passés de 10, je crois, à plus de 250 jeux. C'est une grosse mise à jour. Parce que moi je me rappelle que justement sur la manette de la console de base et de la 360, t'avais des boutons qui changeaient. Et je me rappelle qu'ils avaient justifié une partie de la non rétrocompatibilité par ça. Mais c'est possible. Mais de toute façon, il y a certains jeux. Moi, je savais pas cette histoire à l'époque de rétro par rapport à la Xbox One et la Xbox 360 et la Xbox. J'avais mis mes jeux Xbox dessus, ça marchait. Et puis d'un coup, je mets Prince of Persia, les lames du guerrier, je sais pas quoi. Et là, il me fait insérer un CD pour une mise à jour. Que dalle. Du coup, ça, c'est le genre de trucs qui font un petit peu chier. Sony, ton service, on n'en veut pas. Hein. Oh là là, tout de suite. Non mais sérieusement, oui, non, mais si, bien sûr. 17 balles par mois. Mais tu sais que c'est que du coup c'est plus cher que Netflix. Mais oui. Pour ne pas posséder les jeux. Mais oui. Et pour que dès que ton abonnement se termine, bah hop, ta sauvegarde. Et t'imagines le moindre lag. Ah ouais. Comme c'est enfin voilà, je vois y a Loïc qui a un grand sourire en train de dire hey, j'allais te le dire. c'est que j'imagine en fait, tu sais, le gars qui habite en campagne, qui a pas la fibre chez lui, qui a une connexion pourrie dégueulasse, qui se casse déjà le cul à payer 7€ par mois pour jouer en ligne, en plus il doit payer encore 17 boules pour pouvoir avoir accès au PlayStation Now. Le mec, il a une connexion qui rame du cake, enfin là il pète un plomb, il déteste Sony, pas chez Xbox, hein. Donc est-ce qu'on peut dire PlayStation Now, PlayStation Now? Exactement. Et ouais, ça c'est pas mal, sans le W. Merci de l'expliquer. J'ai pas compris. Du coup, voilà, c'était mon flop de la semaine. Si vous voulez. Flop. Vous voulez que je passe au top ou on fait les flops de tout le monde? Vas-y. Vas-y. Je peux le dire après. Hein, concernant mon flop, en fait, c'est sur. Donc, on en a déjà un peu parlé tout à l'heure, donc ça va peut-être un peu redondant, mais je vais être bref. C'est sur les exclusivités temporaires, en fait. Je trouve le concept hyper vicieux de la part des développeurs ou des éditeurs, quoi. Tu sors un jeu dans un premier temps sur une console, et puis un an après, finalement, pour rentabiliser encore plus et m'en mettre encore plus dans les poches si je le sortais sur une autre console. Je trouve personnellement que c'est un peu, entre guillemets, tromper le public, en fait. C'est que tu t'attends à une vraie exclue, tu dis, ah, trop bien, c'est ce jeu-là qui va me faire acheter cette console, et puis un an après, il sort sur l'autre console. Ouais. Donc, je veux dire, soit c'est une exclue définitive, soit tu sors les jeux en même temps sur tous les supports, et voilà, quoi, tu trompes pas le consommateur. En disant, ça sort telle année sur PS4 ou Xbox, et puis l'année d'après sur le support concurrent. Après, maintenant, ils informent, mais c'est vrai que le grand public, en général, il sait pas tout ce qui se passe à l'E3, etc. Non, ils s'en foutent. Enfin, eux, il y a beaucoup de gens encore qui, même maintenant, même avec l'heure d'Internet, vont dans leur Fnac, dans leur Micromania, dans leur magasin de jeux vidéo, qui voient, effectivement, en précommande, il y aura tel jeu pour tel... Pour telle console, je vais prendre ça. Enfin, ça se décide rarement comme ça, mais généralement, direct, ça oriente le consommateur, quoi. Sais qu'après, il y a des gens, par exemple, pour Rise of Tomb Raider, qui est d'abord sorti sur Xbox et PS4, il y a des gens qui ont les deux supports et qui ont dit, moi, je vais volontairement pas le prendre sur Xbox parce que Tomb Raider, pour moi, c'est PlayStation. Dans l'esprit de beaucoup de gamers, Tomb Raider, c'est associé à PlayStation. Donc, ils ont boycotté le jeu pendant un an exprès, alors qu'ils auraient pu très bien l'acheter avant, pour finalement attendre un an plus tard et l'acheter sur PS4. Et du coup, c'est pour ça que je trouve qu'honnêtement, le jeu aurait mieux fait de sortir sur les deux consoles en même temps plutôt que d'avoir une exclue temporaire juste pour s'en mettre plein les poches vis-à-vis de la concurrence, quoi. Oui, mais du coup, ce genre de pratique, à la fois, je la trouve bien parce que c'est revendiquer aussi un petit peu son avis de consommateur, de dire non, moi, je le veux sur PS. Et du coup, quitte à attendre un an, ok. Mais le problème, c'est que ça relance les ventes et que du coup, ça va encourager ce genre d'exclus temporaire, quoi. C'est, je pense que ça mériterait même un débat encore plus tard, tu vois, ouais. Ce système d'exclus, parce qu'il y a des choses à dire, je pense. Je pense. Ouais. On vous préparera peut-être ça. Alors du coup, ton top Alors mon top, attention, hein, j'ai fait un travail d'investigation de fou furieux, j'ai traduit un truc en anglais. Oh, purée. Générique de suspense, les gars. Le fou. Voilà, non, bah, ça c'était parce que bon, voilà. c'est les futurs jeux de la franchise Halo, le FPS, auront le droit au retour à l'écran splitté. Ah. Parce que faut dire que Halo 5, ils ont abandonné ce système-là qui permettait à deux joueurs à jouer sur la même console en écran partagé. Et en fait, c'était une feature qui était présente depuis le premier Halo sur Xbox, du coup en 2001. Et l'info nous vient directement de la bouche de Bonnie Ross, la boss de 343 Industries, qui a accordé à Polygon une interview durant la Week Die Summit. Et elle estime que le studio a appris de ses erreurs et que certains choix ont pu faire du tort à la communauté, notamment ce choix de ne pas proposer de l'écran splitté dans le dernier Halo. À l'époque, cette concession, elle était inévitable pour tenter. Enfin, ça, c'est ce qu'elle dit. Hein. Oui. Cette concession était inévitable pour tenter d'offrir une expérience next-gen qui aurait été compromise s'ils avaient passé plus de temps et de ressources à créer ce mode splitté, à optimiser ce mode. Hein, parce qu'il faut savoir que voilà, la console calcule deux fois plus. Ouais. Alors forcément, on peut comprendre cette concession, mais du coup, ça cassait une image qu'on avait de Halo, qui était la convivialité autour d'une console et autour de la même télé, par exemple. Voilà. Et elle ajoute même, n'importe quel de nos FPS devront avoir le split screen. Ah, c'est bien. C'est-à-dire les FPS de 343 ouais. Industries. Après, mais bon, du coup, ça peut peut-être ouvrir aussi à d'autres... S'ils arrivent justement à mettre en place cet écran splitté et qu'ils arrivent aussi à le remettre en place et à le pérenniser, c'est-à-dire prouver que c'est possible, peut-être que d'autres développeurs suivront aussi. J'aimerais bien, parce que c'est vrai que moi j'ai très peu d'amis qui jouent aux jeux vidéo. Alors du coup, quand ils viennent chez moi, généralement on joue sur la même console. J'ai jamais fait de partie en ligne, alors que j'ai le PS Store ou j'ai le PSN Plus. Enfin bref. Et du coup, c'est vrai que ce côté, on est tous les deux à côté, on se raconte des conneries sur la vue de l'autre, et même le fait de voir la vue de l'autre et de dire ah mais là, on sait pas par là qu'il faut aller, c'est là ou là. D'ailleurs, pour certains, c'est considéré comme de la triche de regarder sur l'écran splitté de l'autre. Oui, mais moi je fais pas des choses. Moi je fais pas de jeux en versus, tu vois. Non, moi, c'est que des jeux amicaux, que de la coop. Tu vois, je pense que ça risque d'être un mode de niche, entre guillemets, si je puis dire. Mais maintenant, c'est joué, hein, c'est en ligne. Et puis, tu vois bien que ça diminue au fur et à mesure. Et puis, de temps en temps, c'est une feature spéciale. Mais je pense que ça va pas changer grand-chose. Par contre, alors, elle est bien gentille à nous dire ça, Madame Bonnie Ross, tu vois. Par contre, carton orange total, parce que dans l'interview, elle rajoute un truc qui est pour moi une grosse connerie. Mais alors, dans l'interview, elle poursuit sa déclaration en s'attardant sur la capacité du studio à narrer une histoire. Et là, elle raconte « On adore le transmédia et parfois, nous pensons qu'on en fait trop sur l'histoire de nos jeux. Vous savez, quand des aliens te tirent dessus, c'est un peu compliqué de digérer tant d'histoires. » Ouais, Halo 5. Wow. On espère que Halo Wars 2 montrera qu'on peut faire plus qu'une simple histoire en utilisant le transmédia afin d'obtenir un fond d'univers, tu vois, plus profond, tout en gardant l'histoire du jeu plus simple, plus accessible. Halo Wars 2, niveau scénario, on va se coucher, hein, parce que c'est pas Inception, hein, le machin. Ouais, hein, ouais, c'est... Ouais. Et à mon avis, Halo Wars, Halo dans sa franchise, c'est pas compliqué non plus. Non. À mon avis, tu peux te taire, tu peux travailler le scénario quand même. On n'est pas des abrutis, on peut comprendre. Hein, bah, voilà. Ne serait-ce que une licence comme par exemple Mass Effect, bah, hein, qui a un background juste incroyable. Et ça, on est dans un optique RPG, tu vois. Mais là, ouais. Elle est en train de nous dire que les FPS, tu sais, bon, faut tirer, on te tire dessus, t'as pas le temps pour une histoire. Faut arrêter. T'enlèves une dimension au jeu, pas possible là. Même une immersion dans le jeu. Bah non, mais totalement. Dire que tu fais moins et en fait, on va faire plus sur certains jeux comme Halo Wars 2. Arrêtez, jouez à Halo Wars, vous reviendrez me parler de l'histoire quoi. Parce que, c'est simpliste, c'est pas la mise en scène fait que ça tient debout. Mais franchement. Parle pas de profondeur. Non, ils nous la mettent profond par contre. Hein, ouais. Coup. Bon, voilà, du coup, bonne nouvelle pour le de split screen, mais bon, après, pour le reste, bon, Bonnie Ross, bon, tu peux retourner bosser un petit peu. Alors, hashtag Bonnie Ross, voilà quoi, tu peux retourner bosser. Bah après, j'ai peut-être mal traduit, hein, mais je pense que. Parce que dans ce cas-là, je serais bien dans la merde. Mais je pense que j'ai compris le message. Je crois que t'as la chance de pas avoir Twitter, elle t'aurait retweeté en retour. Non, mais je pense avoir compris, je crois que non, ça passe pas, franchement. Non. Pour conclure, très vite fait sur ça, il y avait aussi des FPS qui faisaient justement l'écran splitté et online en même temps. C'est-à-dire, en fait, par exemple, je prends l'exemple d'ancien Call of Duty, où toi, t'étais chez toi avec ton collègue, il se connectait en fait en coop, en fait, dans les parties en ligne, il y avait l'écran de tous les joueurs en ligne connectés, et t'étais en écran partagé avec ton collègue sur une partie en ligne. Ah, trop bien. Donc rien ne leur empêche s'ils veulent vraiment de faire les deux quoi, online en écran splitté. Ouais, c'est pas faux. Bon, c'est du boulot hein, quand même. Mais bon. Ouais. Mais ça a déjà été fait et c'était plutôt assez stable. Alors donc on va passer pour la fin rapidement sur l'agenda. Loïc, qu'est-ce qu'il y a de prévu ce mois-ci ? Alors donc comme tous les mois, j'ai fait ma petite sélection, hein, j'ai fait ma petite fouine sur internet et j'ai trouvé donc encore trois jeux qui je pense vont être les grosses sorties du mois de mars. Je commence par le premier, c'est Horizon Zero Dawn. Qui sort très bientôt, là, un le 1er mars. Un petit jeu indé, pas très connu. Un petit jeu indé, voilà, sans prétention, vraiment. Sans fourriture, non. Voilà. Et sinon, donc, plus sérieusement, ce sera donc un jeu d'action-aventure dans un monde post-apocalyptique, où on y incarne en fait une fille qui s'appelle Aloy, qui est une chasseuse, et qui tentera de survivre en fait face à des créatures mécaniques géantes qui ont pris le pouvoir sur les humains et qui ont arraché en fait les terres à l'humanité. Et donc, ce qui est intéressant dans ce soft, c'est que le ratio homme-machine est totalement inversé. C'est que les machines ont tellement pris le pouvoir sur les humains que du coup les hommes et les femmes sont retournés à l'âge de pierre et doivent survivre en fait à l'invasion de ces animaux machines qui ont pris le pouvoir sur l'humanité. Alors ce qu'il faut savoir c'est que c'est une exclue PS4 donc et Sony. Temps alors à mon avis je pense que ça va être une exclue définitive au même titre qu'un Uncharted 4 ou qu'un The Last of Us parce que c'est vraiment Sony l'annoncer comme l'un de ses plus gros jeux de l'année, l'un de ses plus gros jeux de l'année carrément. Et donc ils ont beaucoup misé sur ce titre, un gros budget là-dedans, donc à mon avis ce sera l'un des jeux de l'année je pense. Après ça reste à voir. Ensuite j'ai sélectionné un autre jeu, donc c'est Ghost Recon Wildlands qui sort le 7 mars. Donc là bah c'est pour ceux qui ont fait les Ghost Recon, hein, c'est donc TPS action comme tous les anciens Ghost Recon où cette fois on est en Bolivie et on doit enquêter sur du trafic de drogue dont le nom du cartel s'appelle Santa Blanca. La blanche. Voilà, ils sont très foulés pour le nom. Et donc on doit enquêter en fait au cœur donc du trafic de drogue et on doit démanteler le réseau, etc. Donc un peu classique des Tom Clancy en fait, vraiment le côté espionnage et tout ça. Et donc le jeu est prévu pour le 7 mars. La bêta il y avait la bêta fermée qui était disponible il y a pas longtemps et la bêta ouverte est accessible jusqu'à demain. D'accord. Donc personnellement je voyais pas trop intérêt d'en faire finalement une autre bêta, faisant mieux fait de la faire plus longtemps en une seule fois je pense, et ouverte tant qu'à faire à tous dès le début. Enfin voilà c'est mon avis. Et enfin le troisième jeu, et on en parlait brièvement tout à l'heure, c'est Mass Effect Andromeda qui lui sort le 23 mars 2017. Donc je sens que Max est aux aguets. Et en fait, je suis aussi. Ah oui je comprends, c'est une très très grosse licence. Et il s'agira donc du quatrième opus de la saga. Donc, qui a été qualifié de jeu de rôle intergalactique et qui explose principalement sur l'exploration et la gestion des relations entre les différents peuples. Et du coup, le joueur pourra découvrir diverses planètes et choisir le type de relation qu'il va entretenir avec ces derniers. Donc voilà, c'est les infos. Je pourrais pas dire grand chose là-dessus parce que, comme toi, tu parlais de je sais plus quel jeu que tu voulais, The Last of Us 2, que tu voulais pas trop te spoiler. Moi, j'ai quasiment rien regardé de Mass Effect. Pareil. Je suis juste impatiente de voir ce que BioWare va faire. Le suspense est total. J'ai aimé tous leurs jeux, donc. Voilà. Bah BioWare, d'ailleurs, oui, c'est ceux qui sont à l'origine d'ailleurs de Jade Empire, je crois, Fanny, que tu y joues et que tu es une des seules peut-être à y jouer, mis à part moi qui a adoré ce titre aussi. Ah oui, c'est, je crois que c'est le jeu sur lequel j'ai le plus d'heures. Alors j'ai fait, en fait, à l'entrée de l'histoire, tu peux le faire avec plusieurs héros. Et je crois que je l'ai fait à peu près 10 fois avec chaque héros. Ah juste... oui, tu as encore plus armé le jeu que moi, ah du coup, j'avoue, je l'ai fini 2 fois. Je l'ai adoré ce jeu, et en fait, pendant très longtemps, c'était le seul jeu auquel je jouais. Et c'était à la période aussi où j'allais plus à la fac, alors je vous laisse imaginer le temps que j'ai pu y passer. Ah bah dessus. Bien, on fait ça thug devant Jan Empire. Hein. Ouais, je suis un peu comme ça, moi. Bon alors, les enfants, on va se quitter pour ce soir. J'ai passé une très bonne émission, est-ce que ça vous a fait plaisir, les enfants? Ah bah nickel, hein. Toujours content d'animer. Non. Voilà. Voilà. Il y a toujours le chien. Il fait le chafouin, il est chafouin, c'est incroyable. Il est chafouin. C'est qu'il a faim. Non mais c'est Ronnie, c'est, eh ben c'est moi aussi, madame, j'ai c'est faim. C'est Bonnie et Ross là, qui m'a énervé. Elle t'a frustré là. Elle m'a agacé. Oh là là. Alors du coup, on va se laisser et puis on se donne rendez-vous le mois prochain pour la prochaine émission de RMG Gaming. Passez une très bonne soirée. Allez vous coucher pas trop tard parce que demain c'est lundi. Ouais, puis on doit sauf si vous êtes en vacances, hein, vous pouvez geeker. Et merci à tous. Au revoir. Ciao. Ciao. Tous les jours sur RMG. RMG. I turn it up loud. Écoute. Réagis en direct et gagne des cadeaux. RMG. La première web radio de la région. La première web radio.